Halleluja. Wir danken dem Herrn für diesen Danksagungstag. Encore merci à l'Éternel pour le jour de l'action de grâce aujourd'hui. Please, this day is a reminder of, you know, that we are to say thank you to Jesus always. Dieser Tag ist eine Erinnerung daran, dass wir dem Herrn immer wieder danken sollen. Cette journée, c'est un jour où on se rappelle chaque fois de se remercier l'Éternel. If we know the job he came to do, we will say thank you to him. Wenn wir wissen würden, was er getan hat, dann wären wir immer wieder dankbar. Si on savait ce qu'il a fait, on serait vraiment on va jamais lui on serait vraiment reconnaissant. The job he came to do, if we can understand it, we will always say thank you to Jesus. Die Aufgabe, die er getan hat, wenn wir sie verstehen, dann würden wir Jesus immer wieder danken. Le travail que l'Éternel a fait ici, Jésus-Christ, si on réellement le comprenait, on va toujours dire merci. In Luke 2. In Lukas 2. Dans Luc 2. Praise the Lord. Hallelujah. This is when Jesus was born. Qui wurde Jesus geboren? Dans Luc 2, c'est Jésus-Christ qui a été né. Verset 11, verset 13 et 14. 13 et 14. Verset 13 et 14. It said, and suddenly there was with the angels a multitude of heavenly hosts, praising God and saying, Amen. Amen. Saying, verse 14. 14. Verset 14. Glory to God in the highest. Mm-hmm. And on earth, peace, goodwill towards men. Praise the Lord. Alleluia. Look at, you know, if you read that, you see what their joy was all about. Wenn wir das lesen, dann sehen wir, worum es in ihrer Freude ging. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Si on lit ça, on va comprendre qu'est-ce qu'il s'agissait dans la joie de l'Éternel. Peace between God and man. Frieden zwischen Gott und Menschen. La paix entre l'être humain et Dieu. He brought peace between God and man, and not peace between man and man. Er hat den Frieden zwischen Gott und den Menschen gebracht, nicht zwischen Mensch und Mensch. Il a emmené la paix entre l'être humain et Dieu, et pas entre l'être humain et l'être humain. Actually said he brought sword between man and man. Eigentlich sagte er sogar, ich habe ein Schwert gebracht zwischen Mensch und Mensch. Mais entre les deux êtres humains, il a dit dans sa parole, il a emmené l'épée. Amen. Amen. His peace is the real peace and not the fake peace of this world. Sein Frieden ist der wahre Frieden, nicht der falsche Frieden dieser Welt. Sa paix, c'est la paix, c'est la vraie paix, c'est pas la paix de ce monde. Amen. He said, glory to God in the highest. And on earth peace, goodwill towards men. Peace between God and man. Frieden zwischen Gott und den Menschen. La paix entre Dieu et l'être humain. That's what he brought. Das hat gebracht. C'est ça qu'il a emmené. It means the war is over. Ça heißt, der Krieg ist vorbei. Ça signifie que la guerre est finie. The war between God and man is over. Der Krieg zwischen Gott und den Menschen ist vorbei. La guerre entre l'être humain et Dieu, c'est fini. Amen. Amen. And that's why the Spirit of God, of Christ, can now come back into us and live in us. Deswegen kann der Geist Gottes wieder zurück zu uns kommen und in uns leben. C'est pour cela l'Esprit de l'Éternel a été capable de retourner et vivre en nous. And that's why everything is all about Jesus. Und deswegen geht es alles über Jesus Christus. Es geht um Jesus Christus. Amen. Et c'est pour cela aujourd'hui, ça dit toujours de Jésus-Christ dans tout. Amen. There's nothing outside him. Es gibt nichts außerhalb von ihm für uns. Il n'y a rien qui est en dehors de lui pour nous. Blessing the ministry means giving Christ to Christ. Die Gemeinde zu segnen bedeutet Christus zu Christus zu geben. Le fait de bénir dans la maison de l'Éternel, ça signifie donner Jésus-Christ à Jésus-Christ. Donc tu donnes le Christ au Christ. You don't have anything that is not Christ. Du hast nichts, was nicht Christus ist. Tu n'as rien qui n'est pas Jésus-Christ. Tu ne possèdes rien qui n'est pas Jésus-Christ. The Lord wants you to know who you are and know what you have. Will, dass du weißt, wer du bist und was du hast. L'Éternel veut que tu puisses connaître qui tu es et comprendre qu'est-ce que tu as. Everything of you, you are Christ. Amen. Alles von dir ist Christus. Tout ce qui te concerne, qu'est-ce que tu possèdes, c'est Jésus-Christ. If just a rock can be Christ. You can be Christ. Wenn Stein, ein Fels, Christus ist, dann kannst du Christus sein. Si, même un rocher peut être Jésus-Christ, ça signifie que toi aussi tu es capable d'être Jésus-Christ. Praise the Lord. Rocher. Rocher. Praise the Lord. Alléluia. Please, you are never empty. Ist niemals leer, amen. Tu n'es jamais vide. You are always occupied with Christ. Wir sind immer umgeben von Christus. Tu es toujours arrondi autour avec Jésus-Christ. You know, sometimes when you even give money, it's as if you have given everything. You don't even have any money, but you still have Christ. Christ is what you give and Christ is what you still have. Manchmal, wenn wir geben, wirkt es, als ob wir nichts mehr haben. Aber wir haben Christus gegeben und es ist Christus, den wir immer noch haben, weil er eine unaufhörliche Quelle ist. Donc, quand on donne quelque chose, on donne toujours Jésus-Christ parce que lui, il est toujours notre source. Giving Christ, you still have Christ. Wenn wir Christus geben, haben wir immer noch Christus. Si tu donnes Jésus-Christ, tu as toujours Jésus-Christ. Amen. You are never without him. Ist niemals ohne ihn. Tu n'es jamais sans lui. Your money is Christ Jesus. Dein Geld ist Christus Jesus. Ton argent, c'est toujours Jésus-Christ. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Your money is Christ Jesus. Dein Geld ist Christus Jesus. Ton argent, c'est Jésus-Christ. You are Christ. Du bist Christus. Tu es Jésus-Christ. Amen. Let us go to 1 Corinthians 10. 1 Corinthians 10. Praise the Lord. Amen. 1 Corinthians 10. Stop seeing body. Hört auf, Körper zu sehen. Arrêtez de voir le corps. See Christ. C'est Christus. Voyez Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Stop seeing what Satan wants you to see. 1 Corinthiens 10. Hör auf, das zu sehen, was der Satan will, dass du siehst. Amen. Arrête de voir ce que le diable veut que tu puisses voir. He wants you to always see people. Er will, dass wir ständig Leute sehen. Le diable, lui, il veut que tu puisses toujours voir les êtres humains. Amen. He wants you to always see things. Dass wir immer Dinge sehen. Il veut que tu puisses voir toujours les choses. Actually, no one ever sees things or people. Aber eigentlich sieht niemand sieht Leute oder Dinge. Et en vérité, il y a personne qui voit les choses ou bien les gens. You either see Christ or you see Satan. Tu sais, entweder Christus oder den Satan. En réalité, tu vois ou tu vois l'Éternel ou bien tu vois le diable. People choose Satan. You know, they choose things. They choose the flesh. They might not even know that they are choosing Satan, but they are choosing Satan. Leute entscheiden sich für das Fleisch, weil sie äußerlich Dinge bewerten und dann danach sich dafür entscheiden, aber sie wissen nicht, dass sie damit den Satan wählen. Les gens, quand ils sont en train de choisir, ils voient quelque chose en dehors et ça les plaît, ils choisissent, mais ils savent pas qu'ils sont en train de choisir le diable. Remember, Satan is the prince of darkness. Erinnert euch, der Satan ist der Fürst der Finsternis. Et rappelez-vous que le diable est le prince de l'obscurité. He will want you to see people or things. Er will, dass du Menschen oder Dinge siehst. Il veut que tu puisses voir les gens ou bien les choses. He hides himself. Amen. He will blame you to himself. That you never see him as the problem. Dass du niemals ihn als das Problem siehst, sondern dass du die Menschen als das Problem siehst, die Dinge als das Problem siehst. Il est vraiment rusé. Il se cache. Il ne veut pas que tu puisses voir, que tu puisses le voir, que tu puisses dire que c'est le diable que je vois. Il veut que tu puisses voir les gens qui te font du mal ou bien les choses qui ne marchent pas. Are you getting it? Yeah. You know that you do not know that you are choosing Satan. It's not an excuse that Satan cannot still kill and destroy you. Nur weil du nicht weißt, dass it's like electricity or fire. You know that you do not know that electricity is naked, and once you put your hand, it can shock you and kill you. Does not mean it cannot shock if you put your hand. Nur weil du nicht weißt, dass der Satan dich nutzt, heißt nicht, dass er nicht dich nutzen kann. Nur weil du nicht weißt, wie Strom funktioniert, weil du keine Physik studiert hast, heißt nicht, dass du keinen Stromschlag bekommen kannst. pas seulement parce que tu ne sais pas que le diable est en train de te est là et en train de opérer, ça signifie pas que tu es protégé. C'est tout comme avec l'électricité. Si tu ne sais pas qu'il y a quelque chose, qu'il y a le courant dedans et que tu mets ta main dedans, ça va te électriciter en fait. Tu seras choqué, tu vas avoir un choc. Pas seulement parce que tu le vois, ça va... Oui, donc ça va t'affecter de toute foi. Praise the Lord. Amen. We thank the Lord that during, you know, the time when we were ignorant, Satan could not kill us. Amen. Amen. But the Lord have died through that. Wir danken dem Herrn, dass in der Zeit, wo wir ignorant waren und unwissend waren, der Satan uns nicht töten konnte. Wir haben viel durchgemacht, aber er konnte uns schlussendlich nicht töten. Aber es gibt andere Leute, die haben einen anderen Ausgang gehabt. Die sind daran gestorben, an ihren Entscheidungen, an ihren Wegen. On remercie l'Éternel, parce que quand on était ignorant, une fois, qu'il n'a pas pu, que le diable n'a pas pu nous tuer, parce qu'il y a autre personne qui était avec leur ignorance, ils sont morts. Mais nous, on a eu de la chance. Praise the Lord. Alléluia. 1 Corinthiens 10, first of all, verse 4. 1 Corinthiens 10, verse 4. 1 Corinthiens 10, verset 4. He said, and did all drink the same spiritual drink? For they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Mm. Praise the Lord. Alléluia. The rock that was in the wilderness. Dieser Fels, der in der Wildnis war, aus dem sie getrunken haben. Die Bibel nennt diesen Fels Jesus Christus. Il nous dit ici, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que Christ lui-même. Donc la Bible appelle ce rocher Jésus-Christ lui-même. That should help you to know who you are. Das sollte uns helfen zu erkennen, wer wir sind. Ça doit t'aider à connaître qui tu es. It should help you to know what you have. Was wir haben. Ça doit t'aider à reconnaître qu'est-ce que tu as. Praise the Lord. Hallelujah. You either have Christ or you have Satan. Entweder haben wir Christus oder den Satan. Ou tu as Jésus-Christ ou tu as le diable. I don't know if you are getting it. Praise the Lord. Hallelujah. Everything of you, dear Christ. Alles von dir ist Christus. Tout ce que tu as, c'est Jésus-Christ. Your dress is Christ. Unsere Kleidung ist Christus. Tes habits, c'est Jésus-Christ. Are you getting it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, I saw a shirt for somebody long ago. A shirt. Give it to somebody. He said when he put it on, he said he felt power. Are you getting it? Mm-hmm. I just saw it for him when they went to Paris also for their dancing competition. Mm-hmm. And the clothes they were wearing, that young man what he was going to wear, he said I should help him to sew it. And I sewed it and I gave it to Giver to give. He said when he wore it, he felt power. Es gab mal eine Situation, wo ich für meinen Sohn und seinen Kollegen etwas geschneidert hatte, etwas genäht hatte, ein Oberteil, was sie anziehen sollten für einen Wettbewerb. Und ich habe dieses Oberteil halt fertiggestellt und dann halt dem Kollegen von meinem Sohn gegeben. Und dieser Kollege meinte, dass als er dieses Oberteil angezogen hat, hat er echt gemerkt, wie er Kraft angezogen hat. Und so ist das, weil wir einfach in diesem Bewusstsein leben, dass alles, was von uns ist, Christus ist und mit dieser Kraft ausgestattet ist. Amen. En fait, il y a eu une fois, mon fils, avant de partir faire, quand il était parti en France pour danser, il m'avait dit de coudre des habits pour lui et ses amis. Et moi, j'ai cousu ces habits-là. Et quand je les ai donnés, l'Éternel m'a montré que quand ils vont mettre ces habits-là, ils vont mettre de la puissance. Donc, tout ce qui nous appartient, ça a une puissance, même nos habits. En fait. Praise the Lord. Donc, okay, même ses amis, quand ils ont mis ça, ils ont eu une puissance, en fait. Amen. You know, that is no news. It should never be news for us. Nachricht für uns. Es sollte keine Nachricht für uns sein. Nichts Neues sein für uns. Ça ne doit pas être quelque chose de nouveau pour nous. Amen. Amen. It should never be news. If it is news to you, then it means a hardened heart. Das sollte nichts Neues sein für uns. Und wenn es was Neues ist oder uns überrascht, heißt es, wir ein verhärtetes Herz haben. Le fait que nous on a une puissance en nous, ça doit pas être une chose nouveau, parce que si c'est quelque chose de nouveau pour nous, ça signifie qu'on a un cœur endurci. Remember Peter and John. Rappelle-toi de Pierre et Jean. He said their shadow raised the dead. Ihr Schatten hat die Toten auferweckt. Nur ihr Schatten. Your handkerchief healed the sick. Ihr Schweißtuch hat die Kranken geheilt. Donc dans Jean leur papier mouchoir ça a même guéri les malades. Même leur sombre seulement ça avait une puissance. And the Lord said, whatever we touch is blessed. Der Herr hat gesagt, was immer Amen. Wir berühren, ist gesegnet. Amen. Et l'Éternel dit que n'importe quoi qu'on va toucher, c'est déjà béni. Praise the Lord. Hallelujah. All you need to know, just know who you are. Wir müssen einfach nur wissen, wer wir sind. Tout ce qu'on doit savoir, c'est de savoir qui nous sommes. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Who we ever know or think that rock was Christ? Wer hätte gedacht, dass dieser Fels Christus war? Qui allait penser que ce rocher là était Jésus-Christ? He has been from the beginning. Er war von Anfang an. Ist jetzt und wird für immer sein. Amen. Ça a été toujours Jésus-Christ. Avant et jusqu'au présent, c'est Jésus-Christ. You know, they're your chef or your boss in a place of work. He does not even know you. Just like that woman at the well did not know Jesus. Dein Vorgesetzter erkennt dich nicht, genauso wie die samaritische Frau Jesus nicht erkannt hat am Brunnen. Ton chef de travail ne va pas te reconnaître, il ne va pas connaître ta vraie identité, tout comme la fille, la dame samaritaine n'avait pas reconnu Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Jesus said, if you know who asks you for water, if you ever know, are you getting it? If your chef ever see your spirit, so ever even you're ready, a little bit, I see just a little, he will never allow you to leave his presence. No, dann hätte die Frau gewusst, wer Jesus ist, hätte sie nach lebendigem Wasser gefragt und genauso würde dein Chef wissen, wer du bist, oder nur einen kleinen Funken gewusst erkennen von dem, was du bist, dann würde er dich niemals loslassen. Jésus-Christ a dit à la femme, Jésus-Christ a dit à la femme, toi tu ne sais même pas qui je suis parce que c'est tout comme aujourd'hui avec nous. Si ton chef savait qui tu es, il va jamais autoriser ou bien permettre que tu puisses quitter son être absent de ses côtés ou bien aussi quitter son entreprise. Oui, praise the Lord. Hallelujah. Amen. If you ever know who you are, you will not be afraid of anybody. Wenn du wüsstest, wer du bist, dann hättest du keine Angst vor dem. They should be afraid of you. Sie hätten Angst vor dir. Demons be afraid of Jesus Christ. Dämonen haben Angst vor Jesus und nicht umgekehrt. Amen. Si toi tu savais réellement qui tu es, tu vas jamais avoir peur de ce qui est en dehors. Eux, ils doivent avoir peur de toi. Tout comme Jésus-Christ savait qui il était, les démons étaient en train de trembler quand ils voyaient Jésus-Christ. Et tu dois être conscient de qui tu es, qu'est-ce que tu as. Praise the Lord. Alléluia. Jean 4. If you read it, I don't know where are we even going to start. Everything is already lekker here. Let's start from verse 6 and read a little bit from of it. Amen. Johannes 4, Vers 6. Of this chapter. Verset 6, Jean 4, verset 6. He said, now Jacob's well was here. Jesus, therefore, being wearied with his journey, he was tired. Er war müde. Just like you and me. So wie du und ich. Jésus-Christ était fatigué du voyage, comme toi et moi aujourd'hui. You know, he never sees his body. Er sieht seinen Körper nicht. Mais lui, il n'a jamais considéré son corps. That was how he was able to move on. If you see your body, you will be down. Deswegen hat auch sein Körper ihn auch nicht aufgehalten und noch über ihn geherrscht, weil sein Körper nicht gesehen hat. La Bible nous dit que Jésus était fatigué, mais lui, il n'a jamais considéré son corps parce que s'il considérait son corps, il allait être faible. Il allait voir l'extérieur, il allait être découragé en fait. Et c'est comme ça que nous aussi aujourd'hui, on doit apprendre à voir que l'esprit et pas le corps. We are so used to our body. Wir sind so gewöhnt an unseren Körper. Nous sommes vraiment trop habitués so à notre corps. To the flesh. Wir sind so gewöhnt an das Fleisch. Nous sommes habitués à la chair. Amen. Aber wir sollten das Fleisch hassen. Mais on doit détester la chair. He said Jesus was tired in his journey. You know, he was the, you know, the whole God was tired. Ein ganzer Gott war müde. And who we say, tout un Dieu était vraiment fatigué. And that's why with your natural mind you can never believe Christ is God. So mit deinem natürlichen Verstand wirst du niemals glauben, dass Jesus Christus Because Gott ist. The Bible. Et c'est pour cela avec tes pensées naturelles, tu vas jamais croire que Jésus-Christ est un Dieu. Because everybody will believe that God is never tired. Weil jeder würde glauben und sagen, Gott ist doch niemals müde. C'est parce que quand la Bible dit que Jésus-Christ était fatigué, les gens ne pensent pas que Jésus-Christ était un Dieu parce qu'ils vont se demander que Jésus-Christ n'était jamais fatigué. Un Dieu ne peut jamais se fatiguer en fait. Amen. He wanted, you know, he was, it's like. You know, Jesus, when he was here, he also sleep. Jesus hatte But the Bible said God never sleep, he never does. Aber die Bibel sagt aber auch, dass Gott niemals schläft und niemals schlummert. On voit que Jésus-Christ, quand il était ici, il dormait aussi. Mais la Bible dit qu'un Dieu ne dort jamais et il ne somnole aussi pas. If you can understand that of Christ, you will understand who you are. Wenn wir das von Christus verstehen können, dann werden wir verstehen, wer wir sind. Si tu connais qui est Jésus-Christ, tu vas aussi comprendre qui tu es. Amen. Amen. If you can understand that of Christ, you will understand who you are. That you are not different. Wir sind nicht anders. Amen. But we are so used to seeing ourselves. Wir sind so gewöhnt daran, dass wir sehen. Nous ne sommes pas différents, mais nous sommes toujours habitués à voir notre soi, notre chair. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 7. Verset 7. There cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, give me to drink. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. La femme samaritaine vient pour puiser de l'eau et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Though he was a God, he was half a dust. He wanted to drink, just obwohl er like you and me. Gott ist, hatte er Durst. Er wollte auch was trinken, wie du und ich. Malgré il est un Dieu, mais il avait soif. Il voulait boire comme toi et moi. We have the body to deal with. Wir haben noch den Körper, mit dem wir zu tun haben. Amen. Wir müssen essen, trinken, schlafen, duschen. On a un corps à prendre soin de ça. En fait, on doit boire, on doit se vêtir, on doit manger, se reposer. You know, you have to remember that Jesus used two terms to describe himself, the Son of God and the Son of Man. Amen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus zwei Begriffe benutzt hat, um sich zu beschreiben, Menschensohn und Sohn Gottes. On ne doit pas oublier que Jésus-Christ, la Bible décrit Jésus, Dieu en deux, le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Amen. Amen. In verse 9, then said the woman of Samaria unto him, how is it that thou, being a Jew, ask a drink of me, which I am of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. Then verse 10. Jesus answered and said unto her, if thou knowest the gift of God, and who it is that said to thee, if your chef ever know you, your boss ever know you, praise the Lord. Hallelujah. Wenn ein Vorgesetzter dich kennen würde. Si ton chef te connaissait. If thou knowest the gift of God, and who it is that said to thee, give me to drink, thou wouldst have asked of him, and he would have given thee living water. Amen. Amen. Praise the Lord. You can see in verse 11, the woman spoke like a natural man. Die Frau hat wie ein natürlicher Mensch gesprochen. Und sie war ein natürlicher Mensch. You don't have anything to draw water. Du hast noch nichts, womit du aus dem Brunnen schöpfen kannst. Wie willst du mir dann das lebendige Wasser geben? En fait, Jésus-Christ lui a dit que si tu savais quel don Dieu veut te faire, que tu puisses boire et avoir de l'eau, que, de l'eau de la vie, en fait. Et la femme, elle n'a pas... Verset 11... a répondu d'une manière naturelle. Il a dit que, mais tu n'as rien à prendre de l'eau pour me donner. Comment tu veux le faire? Elle est la pensée du naturel. Stop underrating yourself. Faites auf, euch zu unterschätzen. Arrête de te sous-estimer. Allow, you know, call yourself who Christ call you. Nenn er dich so, wie Jesus Christus dich nennt. Call you is what you are to call das, was er über dich sagt, das glaubst du. Appelle-toi, comme Jésus-Christ t'appelle. Comme lui t'appelle, c'est comme ça aussi, toi, tu dois t'appeler. You know, in verse 12, this woman compared, you know, compared Christ Jesus to the, you know, to Jacob. In Vers 12 hat, diese Der Frau ihren Vater Jakob, also ihre Vorfahren Jakob, mit Jesus verglichen. Jésus-Christ les a comparés avec leur père Jacob. Praise the Lord. Hallelujah. Then verse 13. Verse 13. Jesus answered and said unto her, whosoever drinketh of this water shall thirst again. 14. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. Amen. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up for everlasting. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Whenever he gives, whatever he gives you, they are not natural. Er dir gibt, ist nicht natürlich. Ici, on voit verset 13 et 14 qui dit que les histoires naturelles vont, sont. Vont passer, mais de l'eau qu'il nous donne, ça va, c'est quelque chose de naturel. Donc on doit comprendre que n'importe quelle chose lui nous donne, c'est surnaturel parce qu'il se donne soi-même, lui-même. Praise the Lord. Amen. You know, the first church they failed. Die erste Gemeinde hat versagt. La première église, ça a échoué, a échoué. If you read 1 Corinthians 10. Let's talk, just read a little bit of it. From 1. 1 Corinthians 10, verse 1. On va lire 1 Corinthians 10, verse 1. He said, moreover, brethren, I would not that you should be ignorant how that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea. 1 Corinthians 10, verse 1. Amen. Mm-hmm. And we are all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. You see, he called it baptism when they passed through the sea. Er nennt es eine Taufe, als die Kinder Israels durch das Meer gegangen sind. Like us also. Ici, on voit que Dieu a appelé, a dit que les enfants d'Israël, quand ils sont passés à travers la mer, quand il a ouvert la mer, qu'ils sont passés dedans, il a dit qu'ils étaient baptisés. C'est ce qu'on voit ici. He said, and did all eat the same spiritual meat. The meat that you eat today, they ate it then. They ate it. Are you getting it? Ils ont mangé la même chose spirituelle, la nourriture spirituelle. But they failed. Aber sie haben dennoch versagt. Mais ils ont échoué. Please don't fail Jesus. Bitte verlasse Jesus nicht. Mais je vous recommande de ne pas échouer. It? Praise the Lord. Hallelujah. Verse 4. And did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Amen. Then verse 5. But with many of them God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Verse 6. Now these things were our example, to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let us learn. On doit vraiment apprendre comme Jésus-Christ nous dit ici. How will you not be? You know, how will you not live in? It is by allowing your focus to be here. Wenn wir zulassen, dass unser Fokus auf ihm liegt, werden wir ihn nicht verlassen. Wenn wir darüber nachdenken, wie er uns liebt. Pour ne pas le quitter, on doit vraiment méditer de son amour envers nous. God kind of love confuses Satan. Gottes Liebe verwirrt den Satan. L'amour de Dieu est en train de confondre le diable. Amen. Amen. He confuses Satan. For God so loved the world so much, and he came, the whole God came into this world and became a baby. You know, so humble that, but for him, his goal was to save us. Dass sich Gott in seiner Größe und seiner ganzen Macht so demütigt, um für uns zu sterben. Das verwirrt den Satan, dass der Herr einfach nur diese Mission hatte, uns zu retten. sich selbst zu opfern für einen, weil das würde er niemals tun. Le diable était vraiment confus parce que se disait que comment peut un grand Dieu comme ça venir sur terre, s'humilier, mourir pour les êtres humains qui ne servent à rien, qui lui ont désobéi tellement comme ça. Ça, il ne comprend pas cet amour en fait. Praise the Lord. Amen. I will continue because if you are here, we will not excuse. Amen. You know, the Bible called the rock Christ, just like he called you and me Christ. Die Bibel nennt den Fels Christus, genauso wie er dich und mich heute Christus nennt. La Bible a appelé le rocher, il a dit que le rocher c'était Jésus-Christ, tout comme il t'appelle toi et moi aujourd'hui Jésus, aussi Christ. There is only one son. Es gibt nur einen Sohn. Il n'y a qu'un seul fils. One son, just one, only one son of God. Nur ein Sohn Gottes. Before this time. Vor dieser Zeit. Jusqu'un fils de Dieu avant ce temps ici. Before this time. Vor dieser Zeit. But he is no longer alone. Aber er ist nicht mehr alleine. Donc avant ce temps ici, il n'y avait qu'un fils. Mais maintenant, il n'est plus seul, ce fils-là. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Only one person the Bible called a son of God. Nur eine Person nennt die Bibel Sohn Before Gottes. This time. Vor dieser Zeit. Donc avant ce temps ici, dans la Bible, on a appelé qu'une seule personne le Fils de Dieu. And that person is Christ Jesus. Diese Person ist Christus Jesus. Et cette personne c'était Jésus Christ. Amen. And that's why the Bible called him the firstborn. Deswegen nennt die Bibel ihn den Erstgeborenen. Et c'est pour cela que la Bible appelle Jésus Christ l'aîné, le Fils aîné. On va le lire à Corinthiens premier né. À Colossiens 1, verset 18. He said that he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. Amen. The firstborn. Der Erstgeborene. Le fils aîné, le premier fils. If you say this is the firstborn, it means there are other born. Wenn du sagst, das ist der Erstgeborene, dann gibt es anscheinend noch andere, mehrere Kinder. Verset 18 nous dit que ce fils est le commencement, le premier né. Et quand tu dis le premier né, ça signifie qu'il y a aussi d'autres qui sont en train de suivre, donc il n'est pas le fils unique. Firstborn means second. It means there is secondborn. Erstgeborene bedeutet, dass es doch einen Zweitgeborenen gibt. Quand on dit le premier né, ça signifie qu'il y a aussi un deuxième né. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. What did the Bible call us? Was sagt die Bibel über uns? Qu'est-ce que comment la Bible nous appelle? Amen. Amen. If you see who the Bible called this a son of God. A son of God means Christ. Wir sehen, was die Messiah. Über den Sohn Gottes sagt. Amen. Er ist der Messias. Donc on va voir la Bible dit appelle Jésus-Christ le premier-né le Messie. Et on va voir comment il nous appelle. Praise the Lord. Hallelujah. A son of God means Christ. And Christ means Messiah. Sohn Gottes heißt Christus. Und Christus heißt Messias, Retter. Le fils de Dieu, ça s'appelle aussi le Messie, un sauveur. You know, Christ needs you here to save the world. Christus braucht dich hier, um die Welt zu retten. Jésus-Christ a besoin de nous pour sauver ce monde. Is getting it. Yep. Amen. Alléluia. Luke 1, please. Luc 1. On va lire Luc 1. Praise the Lord. Hallelujah. Please, the message is still understanding the kingdom of heaven. Die Botschaft ist immer noch das Königreich Gottes verstehen. Notre titre c'est toujours de comprendre le royaume des cieux, de connaître et de comprendre le royaume des cieux. Luc 1, verse 34 and 35. Message. Lucas 1. Luc 1, verset 34 à 35. That said Mary unto angel Gabriel. Amen. How shall this be, seeing I know not a man? Amen. Amen. And Verse 35, and the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing, that holy thing, and not unholy thing. Und das Heilige holy nicht, thing and un, are not unholy. Das Heilige und nicht das Unheilige. Il a dit que le saint et pas le impur. We shall be born of thee. Malsain. Okay. Shall be called the Son of God. Amen. Praise the Lord. Il dit l'Esprit Saint et pas l'Esprit malsain qui va venir sur toi. Look at what the same Bible calls you and me. Look at what the same Bible calls you and me. On va voir comment la Bible, qu'est-ce que la Bible nous appelle. Praise the Lord. On va le lire à 1 Jean 3. We just read where he called, the Bible called Christ Jesus, the Son of God. Amen. Wir haben gerade gelesen, wo die Bibel Jesus zum Gottes nennt. On vient de lire ce que la Bible dit, comment, où la Bible appelle Jésus-Christ le Fils de Dieu. Praise the Lord. In 1 John 3, 1 and 2, it said, behold what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Amen. Mm-hmm. Therefore the world knoweth us not. Your chef does not know you. Your Dein Vorgesetzter kennt dich your nicht. Your co-workers does Deine not Mitarbeiter know you. Kennt dich nicht. Amen. Ici la Bible your nous neighbor appelle. Does not know you. Deine Nachbarn kennt dich nicht. Ici la Bible nous appelle maintenant les enfants de Dieu. Mais tes voisins, ton chef, les gens autour de toi, eux ne te reconnaissent pas comme le Fils de Dieu. Ils ne savent pas ta puissance. Even your parents, they don't even know you. Selbst unsere Eltern kennen uns nicht. Comme tes parents te Friends reconnaissent don't pas. Know you. Freunde kennen uns tes nicht. Amis te connaissent pas. You know, brothers and sisters that are not in his kingdom does not know you. Schwester, die nicht in seinem Königreich sind, kennen ihn nicht. Tes frères, kennen uns nicht. Qui ne sont pas dans le royaume des cieux, ne peuvent pas te reconnaître comme le Fils de Dieu. Pourquoi? He will give the look at the answer is here. He said because it knew him not. Weil die Welt ihn because nicht they don't kannte, know Christ. Weil they Christus don't know Christ nicht kennen. Dans le même verset, il explique pourquoi ils sont pas capables de nous reconnaître. Il dit parce qu'ils n'ont même pas reconnu Dieu. S'ils n'ont pas capable de reconnaître Dieu, comment ils vont être capables à te reconnaître toi comme Fils de Dieu? 1 Peter 1. Petrus 1. On va pas lire 1 Pierre 1. Verset 23. Verset 23. Verset 1, 23. Es geht um dich und mich. Il parle ici de nous deux. De toi et moi. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible. Amen. By the word of God. Amen. Amen. Amen. Which liveth and abideth forever. Amen. Amen. Car vous êtes né à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une sémence immortelle, la parole vivante et l'éternel de Dieu. En effet, il est écrit. Ici, il dit que tu n'es pas différent de Jésus-Christ. Amen. Il a dit que nous sommes nés de la vie de la parole. Amen. In John 1, the Bible said the word became flesh. Johannes 1 steht, dass das Wort Fleisch wurde und wohnte unter uns. Jean 1 nous dit que la parole est devenue la chair et la chair qui était parmi nous ici. Amen. All of you know that already. The word became flesh das and Wort dwell among just Fleisch. Like you. Genauso wie wir. You are born by the word. Wir sind geboren durch das Wort. We really want us to know. Amen. La parole de Dieu est devenue chair et tu es ici parmi nous. Tout comme toi aujourd'hui, tu es né maintenant de la parole de Dieu. Et puis il veut qu'on puisse connaître qui nous sommes. Praise the Lord. Alléluia. Again, if the rock can be Christ, your money is also Christ. Wenn dieser Fels Christus sein kann, dann ist auch unser Geld Christus. Si même ce rocher était capable à être Jésus-Christ, Amen. Que même ton argent peut être Jésus-Christ. And that's why you never bless his house and remain empty. Deswegen segne ihn nicht sein Haus. And seal, Stop seeing yourself empty. Und bleib leer oder sind you leer. Have given und sehen uns als leer an. Amen. Though you have given everything, but you still have it. Auch wenn du alles gegeben hast, hast du ihn immer noch. Amen. Et c'est pour cela, arrête de voir, j'ai donné à l'église et maintenant je n'ai rien. C'est pas possible parce que si tu as Jésus-Christ, si tu as toujours de plus, même si tu donnes, tu dois vraiment savoir dans ta tête, même si tu ne le vois pas physiquement, physiquement, tu dois savoir que tu as toujours beaucoup. If you give Christ, you still have Christ. Wenn du Christus gibst, hast du Christus noch. Hör auf dich selbst zu sehen. Si tu donnes Jésus-Christ, tu as encore beaucoup de Jésus-Christ en toi, donc arrête de voir genre je n'ai pas beaucoup, je n'ai plus, je n'ai rien. Hör auf dich als arm zu sehen. Arrête de te voir comme quelqu'un de pauvre. We don't have anything outside him. Amen. Außerhalb von ihm hast du nichts. En dehors de lui, on n'a rien. Praise the Lord. Amen. Whatever you have that is not Christ, it means you refuse to submit that very thing to him. Was immer du hast, was nicht Christus ist, das heißt, dass du Amen. Donc tout ce que tu n'as, que tu as et que tu qui te fait des soucis, tu dois savoir que tu n'as pas soumis ça à l'Éternel. And that's why you give him everything. Du musst ihm alles übergeben. Amen. Et c'est pour cela que tu soumets tout à Jésus-Christ. Remember Moses' rod. Erinnere dich an den Stab von Mose. Rappelle-toi du bâton de Moïse. The once natural rod. I don't know if you der einst natürlich war. Son bâton était d'abord naturel. Amen. Go to Exodus 4, please. 2 Mose 4. On va lire Exode 2. Praise the Lord. Amen. Exodus 4. 2 Mose 4. De Moïse, donc Exode 4. Amen. Amen. Verse 2 to 4. 2 bis 4. Verset 2 à 4. You know, before this time, that rod was called Moses' rod. Before this time, we are going to read now. Vor dieser Zeit, die wir jetzt hier lesen, war dieser Stab der Stab von Mose. The natural. Der natürliche Stab. Donc ici, avant le temps, on va voir ici que le bâton était d'abord naturel. And the Lord said unto him, what is that in your hand? And he said, the rod. Amen. Submit everything to him. Übergebe dem Herrn alles. Dieu lui dit, quoi as-tu dans ta main? Lui, il demanda l'Éternel. Et Moïse a dit, bon, un bâton. You never give him things without him returning it to you. Mais gib ihm niemals Dinge, ohne dass das nicht zurückgibt. Tu ne donnes jamais quelque chose à l'Éternel sans qu'il puisse te le retourner. You give it to him, and once he returns it, the natural becomes supernatural. Und wenn wir ihm das übergeben haben, wird das natürlich zum Übernatürlichen. Because the flesh profited nothing. Tu lui donnes quelque chose, mais quand il te le... Amen, amen. Tu lui donnes quelque chose, et quand tu lui remets, ça devient naturel. Parce que le naturel, ça te sert à rien. Donc lui, il fait de genre que ça puisse être surnaturel. You can see this rod is called the rod of God. Is it dieser Stab? And the rod, the stone, the rock. It's called Christ. You can see it's Christ to Christ. I don't know if you are getting it. Wird jetzt der Stab von Gott genannt und jetzt genauso oft mit dem Fels, der jetzt der Fels, der Christus genannt wird. Donc le bâton de Moïse qui était naturel, on l'appelle maintenant transformé au bâton de Dieu lui-même. Tout comme avec ce rocher qui était juste un rocher normal, qui est devenu Jésus-Christ lui-même. Donc il transforme tout. It is all about him. Es geht nur um ihn. Il s'agit toujours de lui-même. Allow it to be all about him. Lass zu, dass es nur um ihn geht in allem. Et tu dois vraiment laisser qu'il puisse être toujours, qu'il puisse. That does not mean we don't enjoy one another. S'agir toujours de Jésus-Christ. Das heißt nicht, dass wir nicht einander genießen. Et ça signifie pas qu'on doit pas. That does not mean we don't speak to one another. We don't enjoy one another. We don't sprechen, play. We don't sing. We don't Zeit watch verbringen. Television together. Then we do everything in Christ Jesus. Wir tun alles in Christus Jesus. Ça signifie pas qu'on doit, on va pas prendre du temps, être ensemble, parler ensemble, marcher ensemble, ou bien s'amuser. Mais ça signifie qu'on doit, on va le faire, mais en Jésus-Christ. Erlebe nicht wie ein Fremder zu Hause. Donc, ne faut pas vivre comme un étranger chez toi à la maison. Praise the Lord. In verse 3, he said, and he said, verset 3, cast it on the ground. Drop it on the ground. Wirf das auf den Boden. Jésus, l'Éternel dit à Moïse, jette ça par terre. Donc, jette ton bâton par terre. Genre, donne-le-moi. And he cast it on the ground. And it became a serpent. And Moses fled. Yeah, Moses is like me too. Und Moses floh, like snake. Weil er auch keine Schlangen mag, so wie ich. Ich würde auch weglaufen. Praise the Lord. Moïse a jeté le bâton et le bâton s'est transformé en un serpent et elle dit que Moïse était comme elle et comme elle quand ainsi elle voit un bâton elle va aussi s'enfuir. How many of you like snakes? Un serpent, pardon. Nobody. You? Hey, somebody said. Oh no, I don't mean. Praise the Lord. Ah. Toi tu aimes un serpent? Toby lui aime des serpents. Et je me rends compte que c'est un petit rabat. Watching the film, sometimes we watch film that is full of snake. My leg will be on the chair so that it's as if it's me. Maman dit que elle quand elle voit un film, elle filme avec les serpents. Elle a même peur que elle soulève même ses pieds comme si les serpents étaient chez elle à la maison. Même dans la télévision. Alléluia. People who are here in Europe. Especially Northern Europe, Western Europe, they see snake as you see dog. No dog. No, it's different though. You know, they see it as dog. They have it as pet. You know. But those of us who had spent some years in Africa, we know that the snake is. It's never a friend. It's not really a friend. It's a spiritual thing. Let's put it that way. Yeah. If you read Genesis properly, we should always try to read it. The Bible is a complete book. When God cursed the earth, he cursed the snake. He still cursed today. The greatest curse of all on all animals is the greatest curse on the snake. Go to Genesis. It's the man's greatest enemy, according to God, in Genesis. So, praise the Lord. Generally, man doesn't like snake. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I don't know what to call Oriri. What is that? Maybe Papa will be able to sleep. Oriri. We say snake have Oriri. What do you call it? Actually, part of everything. Israel as a country, Egypt as a country, the serpent, the pharmacy that you just talked about. So the spiritual part of it, that is salvation, that is freedom, it said the flesh profited nothing, but the word that I speak unto their spirit, their life, the spirit and the life of it, they never embrace it. For them it's all about that part of the flesh. Die Menschen gehen immer auf das Äußere, auf das Fleischische, lassen sich immer ein und das versuchen sie immer zu sehen und zu deuten, zu analysieren, aber sie lassen das Geistliche außer Acht. Und das ist das, was der Herr sieht. Er sieht den Geist dahinter und nicht das Fleischische. En fait, les gens veulent toujours voir, ils veulent toujours comprendre ou bien voir une partie physique une partie physique dans toutes sortes d'histoires, mais l'Éternel voit une partie spirituelle. Et c'est ce que nous, on doit considérer étant les enfants de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Normalerweise, dieses Symbol, allein durch dieses Symbol müssten alle Ärzte eigentlich Kinder Gottes sein. Die Flesh. Wenn sie eigentlich verstanden haben, was dieses Symbol ja wirklich bedeutet, müssen sie eigentlich alle Kinder Gottes sein. Keiner darf der Atheist sein. But the flesh profited nothing because for them it's all about the outside. Praise the Lord. Halleluja. Ich habe mal gehört, dass Schleimgift die stärkste Medizin ist, die man verwenden kann in der Pharmaindustrie. Deshalb wurde auch die Schlange so an sich, weil quasi in allen Medizin quasi ein bisschen Schlangengift vertreten ist. Praise the Lord. Amen. It means a lot of things. Amen. Es bedeutet einiges. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Please quickly go back to Exodus. Oh, you don't want us to close here today. We will sleep here. Zweiter Mose. What they are saying is also good for those people who don't understand what little things. These are little things. They look very common. Sometimes a lot of people, they just don't understand it. Like I said, I referred you to the Bible. What God said about the serpent. And have you ever asked yourself, why did Satan, out of all animals, billions of animals, why did he decide to use go through serpent? Nobody, you don't want Amen. To ask. By the time you go through to no. Praise the Lord. Very cunning. Please let us go back to Exodus 4. 2 Mose 4. On va retourner à Exode 4. Verse 4. Yeah. And the Lord said unto Moses, put forth your hand and take it by the tail. And he put forth his hand and caught it, and it became a rod in his hand. Praise the Lord. Hallelujah. Donc tend la main et attrape-la par la queue. Moïse avança sa main et saisit le serpent qui redevient un bâton dans sa main. Before this time, it was the Moses' rod. Vorher war es der Stab von Mose. Avant, c'était un bâton de Moïse. It was the natural rod. Es war der natürliche Stab. C'était un bâton naturel. And it means flesh and blood. Und es bedeutete Fleisch und Blut. Et ça signifiait la chair et le sang. John 6:63. It said, flesh and blood profited nothing. Johannes 6:63 lesen wir, dass Jesus sagt, dass Fleisch und Blut nichts nützt. Jean 6 nous dit que la chair et le sang, ça ne sert à rien. Amen. Amen. In verse 20. Let's go to verse 20. Verset 20. Zweiter Mose 4, Vers 20. Exode 4, verset 20. And Moses took his wife and his sons and set them upon an ox, and he returned to the land of Egypt. And Moses took the rod of God in his hand. No longer Moses' rod, but the rod of God. Es war nicht mehr der Stab von Mose, sondern Stab Gottes. Donc ce n'était plus le bâton de Moïse, c'était le bâton de Dieu maintenant là. He never gives you anything without giving you himself. He gives is himself. Was immer er dir gibt, ist immer er selbst. He turned that rod to become himself. Er hat diesen Stab Amen. Zu sich selbst gemacht. Donc, tout ce qu'il nous donne, ça devient surnaturel. Moses obeyed the voice of the Lord. Mose hat der Stimme des Herrn gehorcht. Moïse, il a obéi à la voix de l'Éternel. He submitted the rod to God. Er hat diesen Stab Gott übergeben. Il a soumis ce bâton-là à Dieu. And the Lord returned the rod to Moses. Und der Herr hat diesen Stab Mose zurückgegeben. Et Dieu lui a retourné à Moïse ce bâton. From natural rod to supernatural vom natürlichen Stab zum übernatürlichen Stab. Du bâton naturel au bâton surnaturel. Again, he never take anything from you without returning it. Das heißt, er nimmt nichts von dir. Hundredfold. Wenn er etwas von dir nimmt, dann gibt er es dir hundertfältig wieder zurück. Ça signifie que quand l'Éternel prend quelque chose, que tu lui soumets quelque chose et lui prend, il va te le redonner surnaturellement et ça sera encore 100 Praise fois the Lord. De plus. Mark 10. Multiplié en fait. On va lire à Marc 10. Amen. Marc 10. Mark 10. Amen. Marc 10. Well, we'll quickly read from verse 28 to 31. 28 bis 31. 28 à 31. You know, he said, then Peter began to say unto him, lo, we have left all. We left all. Wir haben alles verlassen. Pierre lui a dit qu'on a tout quitté. Amen. Amen. I have followed him. Und sind ihm nachgefolgt. Sie haben alles zurückgelassen und sind ihm nachgefolgt. On a tout quitté pour te suivre. Amen. If you leave everything and follow me, they will call you zets. Wenn du alles verlässt, um ihm nachzugehen, wird man dich einen Sektenanhänger nennen. Si, si tu quittes tout et tu, tu, tu suis Jésus-Christ, ils vont dire que tu, bon, tu es dans une secte ou bien tu es une secte. And Jesus answered and said, Verily I say unto you, there is no man that hath left house or brethren or sisters. You know, it's like, you know, if you are reading here, you should see you and me here. Wenn du das hier liest, dann sollst du dich und mich hier drin sehen. Quand tu lis verset 29, tu dois te voir toi-même, tu dois te reconnaître toi-même ou bien moi aussi. On a tout laissé derrière nous. Some of us, we are no longer welcome in our family. Einige von uns sind in der natürlichen Familie nicht mehr willkommen, so wie wir sind. Wir sind wie Fremde für sie. Quelques parmi nous ne sont plus les bienvenus dans leur famille naturelle et te voient comme un étranger. Amen. Some of us, you know, our children no longer even welcome us. Oder einige von uns, unsere Kinder, heißen uns nicht mehr willkommen, weil wir anders sind. Quelques parmi nous ici, même nos enfants, ils ne veulent même pas nous souhaiter des bienvenus parce qu'ils nous voient comme un peu, nous sommes devenus différents à leurs yeux. The nature of family, they know how we were living before with them, but now they can see the difference. It's clear. Die natürliche Familie, sie weiß, wie wir früher mit ihnen gelebt haben zusammen, aber jetzt ist der Unterschied klar. La notre famille naturelle, ils savaient comment on était bien avec eux avant, mais maintenant ils voient cette différence. He said, there is no man that has left house. Remember, Abraham left the city. Erinnert euch, Abraham hat die Stadt, sein Vaterland verlassen. Rappelle-toi, Abraham, il a quitté la maison de son père, la cité de son père. And brethren, look at it, brethren. And sisters, and father, and mother, our wife, our children, our lands, for my sake, and the gospel. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Vraiment, vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'évangile, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra 100 fois de plus dès à présent. You know, a lot of you have been blessing this ministry. Viele von uns haben die Gemeinde gesegnet. Ihr habt es möglich gemacht, dass diese Botschaft weiter geprägt wird. Beaucoup d'entre vous sont en train de bénir cette église. C'est à travers vous que vous faites de sorte que ce message puisse être possible ici. Amen. Amen. If we never listen, like so many, the message, we will not be here. Wenn wir nicht zuhören würden, wenn wir nicht handeln würden, dann wären wir nicht mehr hier. Si on bénissait pas ou bien on, la maison de Dieu, on ne pouvait pas être ici. We thank the Lord that He helps us to cooperate with Him. Wir danken dem Herrn, dass er uns hilft, mit ihm zu kooperieren. On remercie l'Éternel qui nous aide à coopérer avec lui. A lot of times we think He wants to take everything from us. Oft denken wir, dass er uns alles wegnehmen möchte. Plusieurs fois, on pense qu'il veut, il veut nous prendre tout ce qu'on a. Verse 30 said no. In 30 steht nein. Actually, he wants you to have. Er will, dass wir haben. More than what the world will see, they will be jealous of you. Mehr, damit die Welt sogar eifersüchtig ist auf dich und dein Vater. En fait, quelquefois, on pense que l'Éternel veut nous prendre tout, mais verset 30 nous fait voir que non, il veut même que tu puisses avoir de plus que jusqu'à que le monde naturel puisse être même jaloux de toi. Amen. Verset 30. But he shall receive a hundredfold. There is nothing like giving without receiving. Es gibt kein Geben ohne zu empfangen. Nothing like that in Christ's kingdom. Mm. Donc, ça nous dit si on va recevoir 100 fois de plus. Donc, il y a dans le royaume des cieux, tu ne peux pas donner sans recevoir. He shall receive a hundredfold now in this time. Houses and brethren and sisters and you can see, nothing, whatever it is. Das even your mom, they are coming to Christ. All of them. Amen. As far as you allow your focus to be Christ Jesus and continue to do it. Zulassen, dass unser Fokus auf Christus liegt. It's a must. Donc, il nous a ici, il nous a promis, il dit ça ici, verset 30, il recevra 100 fois de plus dès à présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères. Donc, tout ça, 100 fois de plus, ça signifie que quand tu suis Jésus-Christ, tu laisses tout derrière toi, même ta famille, tes enfants ou bien même ta mère. C'est une obligation, obligée, ils vont aussi devenir les enfants de Dieu, parce que c'est lui qui nous a promis ça ici. If you never give up, et wenn niemals aufgeben. Mais si seulement tu ne lâches pas les Amen. Bras. Amen. He said 100-fold. Baisse pas les bras. But he shall receive. Abandonner. Si tu n'abandonnes pas, tu vas recevoir. 100-fold now in this time. Now is not when you die. Jetzt in dieser Zeit, nicht nach dem Tod. Ici il a dit dès à présent, pas quand tu es mort ou bien tu es maintenant dans l'eau là. Il a dit dès à présent. Amen. He said now. Jetzt. Non, he is giving us guarantee. Il gibt uns eine Garantie. Quand il dit dès à présent, c'est une garantie qu'il nous donne. Amen. Amen. If you are in a plane, the plane is going to crash. You will know that it will not crash because you are not receiving the Amen. Amen. Wenn du in einem Flugzeug sitzt und es abstürzt, aber du weißt, dass du dieses Hundertfältige noch nicht empfangen hast, und weißt, dass das Flugzeug nicht abstürzen wird, weil du das Hundertfältige noch nicht empfangen hast vom Herrn. Donc genre quand par exemple tu es dans un avion et l'avion est en train de faire un accident, toi tu dois te dire non, moi je veux pas mourir, ça va pas avoir faire un accident à cause de moi parce que moi je n'ai pas encore reçu 100 fois de plus. Donc dès que Dieu t'a pas encore récompensé, tu vas même pas mourir ici et tu dois l'être sûr parce qu'il t'a donné une garantie ici. Because you know how you have been there for the Lord through the power of the Holy Spirit. Du weißt, you have been choosing him. Wie du dich allowing it to be all about him alone. Für ihn entschieden hast durch die Kraft des Heiligen Geistes zugelassen, dass es dir nur um Christus geht. You must, it is a must. That 100-fold you must enjoy. Deswegen ist dieses hundertfältige ein Versprechen. En fait, tu dois te dire que tu dois savoir comment tu as été là pour la maison de Dieu, comment tu as laissé qu'il puisse travailler à travers toi. Si tu le sais, tu vas te dire que c'est une garantie qu'il t'a donnée qui doit s'accomplir en fait. He said your sisters, mothers, not only your mother will be saved this time. Your mother's friend, the people around her. Are you getting it? Do not allow it to be him alone, please. Und nicht nur deine Mutter. Don't look at the time. Don't look at anything. So. Don't allow anything to distract your attention. Sondern auch die Leute, die um sie herum sind. Deswegen sollen wir unseren Fokus einfach auf Christus haben und uns nicht ablenken lassen von irgendetwas, was um uns herum ist. Donc ne sois pas distrait. Parce que quand il dit que 100 fois de plus, ça signifie que, par exemple, si tu abandonnes tout derrière toi, tu vas avoir de plus. Et ta maman et tes parents vont venir vers Jésus-Christ. Pas seulement tes parents, mais leurs amis. Donc c'est 100 fois, ça signifie que tout le monde environ de toi et de ta famille vont retourner vers lui. Donc faut pas voir le temps, ne considère pas le temps, ne considère pas surtout ton âge. Sois vraiment patient, regarde seulement vers Jésus-Christ. Our children are lanced with persecutions and in the world to come eternal life with persecution. Verfolgung. Donc avec persécution. They will make fun of you. Leute werden sich über dich lustig machen. Les gens vont se moquer. They will laugh at you. How long have you been waiting? Wie lange wartest du denn schon? Ils vont se moquer de toi. Ils vont te dire mais combien de temps tu es en train d'attendre? Des années, tu es toujours à la même place. Jahre über Jahre wartest du schon. You know the money you used to bless the ministry, you could have used it to buy shoes. Das Geld, womit du die Gemeinde gesegnet hast, damit hättest du Schuhe or something oder that, Jacken you know, oder sonstiges kaufen können, Amen. Du hättest es ansparen können. It's part of persecution. Das ist Teil der Verfolgung. Amen. Donc, instead of that, you choose Christ. Stattdessen wählst du Christus. L'argent que tu donnes pour bénir le ministère, quelquefois tu lui donnes pour tu aurais même pu donner ça pour acheter une nouvelle paire de baskets ou bien quelque chose que tu aimes bien, mais tu ne l'as pas fait, tu as priorisé la maison de l'Éternel, tu as priorisé Christ lui-même, et ça a aussi une grande signification. There's nothing without reward. Es gibt nichts ohne Belohnung. Donc il n'y a rien qu'on peut faire sans un bénéfice, sans récompense. Amen. Amen. If you use it to buy shoe, well, this shoe is fine. Oh, that is the reward. Wenn du es benutzt, um Schuhe zu kaufen, ist das Leute sagen, dass es schöne Schuhe sind, ist der Lohn dieser Sache. Si tu as si cet argent-là que tu as en main, si tu décides d'acheter des nouvelles chaussures, on va dire, oh wow, ce sont des belles chaussures. Les jackets, ils sont fine. Oh, die Jacke ist schön. Das ist der Lohn. Jesus hat die Lohn. Aber Jesus hat seinen eigenen Lohn, wenn wir uns für ihn entscheiden. Ou bien une nouvelle jaquette, les gens vont dire, mais c'est vraiment une très belle jaquette. Mais Jésus-Christ, lui, il a sa propre récompense. He said, on that day, people will line up and say, thank you. Exact. Thank you. Without the message, I will not be here. Amen. Are you getting it? Gesagt, im Himmel werden sich Leute bei dir bedanken, weil sie sagen, danke, dass du auf den Herrn gehört hast, weil ohne dich, ohne dein Geben, hätte die Gemeinde nicht existiert und hätte diese Wahrheit nicht hören können. Mais dans Jésus-Christ, par exemple, notre récompense est différente. La Bible dit que les gens au ciel vont te remercier, ils vont dire merci que tu as béni l'Éternel parce qu'à travers toi, on a pu avoir écouté ce message et se repentir et tourner vers l'Éternel, par exemple. Verse 31. But many that are first shall be last. Amen. And verset, the last first. Verset 31. Mais beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront parmi les derniers. Et beaucoup qui seront parmi les derniers seront les premiers. It's not how long I have been in the church. Es geht nicht darum, wie lange du in der Gemeinde warst, sondern hast du seiner Stimme gehorcht. Il ne s'agit pas de la, du temps que tu as été, que tu as été dans l'église. Amen. Il s'agit de est-ce que tu as obéi la voix de l'Éternel. Praise c'est pas les ans, c'est l'obéissance Amen. Qui est important. Amen. Amen. Let us quickly look at Elijah. Elijah's ministry. Schauen wir uns die Gemeinde von Elijah an. On va voir le ministère de Élisée. Even the old. Amen. Amen. The old Elijah ministry belonged to the old. Elijah's Gemeinde hat zum alten Bündnis gehört. L'église, l'assemblée de Élisée, ça a été une assemblée de l'ancien. But to remember, Jesus said, "I am the same yesterday, today, and forever." Wir sollten uns erinnern, dass Jesus Christus sagt, ich bin der gleiche gestern, heute und für immer. En fait, son ministère, c'était une. Ça appartenait au. De l'ancien alliance. 1 Kings 17. 1. Könige 17. From verse 8. Jésus-Christ, il a dit que je suis la fin et le commencement. Praise the Lord. On va lire 1 Roi 17, 8. From verse 8. Verse 8. To 16. 16. Amen. 8 à 18, à 16. Amen. Amen. He said, and the word of the Lord came unto Elijah, saying, arise, get thee to Zarephath. Which belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman, there to sustain thee. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He said, go there. I have commanded a widow woman. That widow woman is not coming by herself, but I command her. Diese Witwe kommt nicht selbst von selbst, sondern hat sie hat ihr befohlen, dort zu sein. Verset 8, il a dit, j'ai ordonné à une veuve de là-bas de pouvoir de pourvoir à ta nourriture. Donc la femme veuve ne va pas venir par elle-même. C'est Dieu qui va lui ordonner. Amen. Et c'est lui qui est ton fournisseur. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks. And he called to her and said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. And as she was going to fetch it, he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in your hand. Verse 12. And she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel, and a little oil in a crotch. And behold, I am gathering two sticks that I may go in and dress it for me and my son, and that we may eat it and die, the last food. Das letzte Essen. Ici, ils ont parlé. La femme a dit que elle parle de son dernier, de sa dernière nourriture. Praise the Lord. Alléluia. I hope you are understanding it. And verse 13 said. Elijah said unto her, Fear not. Go and do as thou hast said. But make me therefore a little cake first. You know, somebody saying the last, and we have the last food. And Elijah is saying, give me that last food. And bring it unto me. And after make for thee and your son. Praise the Lord. Hallelujah. I hope somebody is getting something here. Mm-hmm. Amen. Yeah. You know, here actually, the Lord, Elijah is saying, allow the Lord to be the first. Elijah sagt hier, that's verse 13. Zu ihr, lass zu, dass Gott an erster Stelle kommt. Donc, verset 13, quand il dit à la femme, même si c'est ton dernier pain, tu dois me le faire. C'est comme si Elie veut dire que tu dois autoriser que Jésus-Christ soit ta priorité. Donc, d'abord le royaume. Remember, we are talking about Elijah's ministry. Amen. Allow the ministry to be first. Lass du das allow Christ's house Gemeinde zuerst ist, das Haus von Christus zuerst ist. Ici on voit on parle du ministère de Élie. Tu dois autoriser que le ministère de Christ soit la première chose. Aqua, can you help us to read verse 14? Verset 14. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden bis zu dem Tag, da der Herr es auf der Erdboden regnen lassen wird. For thus said the Lord, God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Praise the Lord. Hallelujah. If you read this very place, si on lit cette partie ici, it is as if Elijah, it was about Elijah and not the widow woman. Actually, it was about the widow woman. Elias ging aber nicht die Witwe. Et si tu le lis, vraiment tu vas penser qu'il s'agissait de Élie et pas de la femme veuve. And I thank the Lord that widow woman believed the voice of Elijah. Amen. Because actually the voice of Elijah was not a man's voice, was the voice of God. Amen. Ich danke Gott, dass die Frau die Stimme von Elia ihm zugehört hat. Und erkannt hat, dass es nicht um ihn geht, sondern um den Herrn und dass der Herr und dass hier der Herr spricht, dass es die Stimme Gottes ist, die spricht und nicht die Stimme eines Menschen, der ihr hier etwas befiehlt. On remercie l'Éternel pour la femme veuve parce qu'elle a pu elle a pu comprendre qu'il ne s'agissait pas de Élie, mais il s'agissait d'obéir la voix de Dieu. Sinon, elle n'allait même pas partir et prendre son dernier pain et risquer de mourir. You know, I just said thank you, children, for being there for Christ. Amen. Ich habe gerade gesagt, danke, Kinder, dass ihr da seid für Christus. Moi, j'ai dit que merci les enfants parce que vous êtes là pour Jésus Christ. Amen. Amen. You know, Elijah can say this woman, thank you for being there for the Lord. He can say it. Ihr könnt zu dieser Frau sagen, danke, dass du da bist für den Herrn. But Elijah does not. Dire, okay, sorry, Chad. Mm-hmm. Élisée aussi pouvait dire que à cette dame-là, merci parce que tu as pu être là pour Jésus-Christ. But Elijah does not need that widow woman to even survive. Aber Elia braucht noch nicht mal diese Witwe, um zu überleben. Mais Élisée, lui, n'a même pas besoin de la femme pour survivre. Just like this ministry. Genauso wie diese Gemeinde. Amen. Tout comme ce ministère. If the widow woman needed Elijah more than even, you know, the natural man will say it's Elijah that is in need of a food. Actually, it's that woman. It's you. Not even the ministry. Aber Elias brauchte die Witwe nicht, um zu überleben. Genauso, aber die Witwe brauchte Elias sozusagen, um zu überleben. Genauso ist auch in der Gemeinde, dass die Gemeinde braucht uns nicht, um zu überleben, sondern wir brauchen die Gemeinde, um zu überleben, um in Christus zu bleiben. En fait, Elie n'avait pas eu besoin de la femme pour survivre. C'est la femme qui avait besoin de Elie pour survivre. Tout comme cette église. L'église n'a pas besoin de nous pour survivre. C'est nous qui avons besoin de l'église pour survivre. The Lord has been Elijah's provider. Le Herr war der Versorger von Elie. Parce que l'Éternel était le fournisseur de Élisée. C'est l'Éternel lui-même qui prenait soin, de Elie. Amen. Just like Christ Jesus is our provider today. Genau. Und Elia, Gott war der Versorger von Elia, genauso wie Jesus Christus unser Versorger heute ist hier. C'était Dieu lui-même qui prenait soin de Elie, tout comme aujourd'hui cette église, ce ministère ici, c'est Jésus Christ lui-même qui prend soin de cette église. You know, your chef in your places of work, we think that he or she is your provider. Genauso wie auf deiner Arbeit, dein Chef glaubt, dass er dein Versorger ist. Tout comme dans ton travail, ton chef lui, il pense que sans lui tu ne peux pas payer tes c'est lui qui prend soin de toi. Sans lui tu ne peux pas payer tes factures. Amen. Ouais. Let us read this time. Il pense qu'il est en fournisseur. From verse 1. 1, verse 1. From verse 1. 1 Könige. Are we there, please? On va lire Elijah the Tishbite. Maman, warte bitte. 1 roi, verset 1. And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain 3 years. This year, thank you, but it was 3.5 years. But according to my word, amen. According to my word, amen. And the Lord said, The word of the Lord came unto him, saying, You know, if the Lord sends you to do one, if you refuse to do one, he will not come for number two. Wenn der Herr dich schickt, eine Aufgabe zu machen, und du diese Aufgabe nicht tust, wird er dir nicht die zweite Aufgabe geben. Si l'Éternel t'envoie faire un, t'envoie, te donne quelque chose, il t'ordonne à faire quelque chose, et tu ne le fais pas, il ne va pas te dire de faire la deuxième chose qu'il a pour toi. Mm. Donc tu dois d'abord finir la première chose avant de faire la deuxième. In verse 1, he sent Elijah to Ahab, to King Ahab. Mm. And when Elijah finished giving the message, he now came until you know, if it's like if I give you one room, you cannot keep it. If I give you a flat, it's punishment. Mm. If the Lord say one thing to you and you refuse to do, and he's coming to say something else to tell you the number two to do, it's that is not punishment. Mm-hmm. If you cannot do number one, how can you do number two? Mm-hmm. Und genauso wie er halt erstmal zu Elijah gesagt hat, hier mach erstmal das, und danach hat er ihm die nächste Aufgabe geboten. Und das baut halt aufeinander auf. Du kannst nicht den ersten Schritt nicht tun und dann halt auf den dritten Schritt springen. Genauso wie der Herr dir keine Wohnung, kein Haus geben kann, wenn du halt in einer Wohnung schon überfordert bist. Donc le fait, l'Éternel il travaille step par il l'Éternel il travaille, il te donne d'abord comme ici, il a dit à Élie de partir chez les rois et de faire un travail. Quand il a fini là-bas, l'Éternel lui a donné le deuxième travail à faire. Mais il ne va pas, si toi tu n'es pas capable à faire le premier travail, l'Éternel ne va pas te donner le deuxième travail à faire. C'est comme si c'est tout comme il ne va jamais te donner une maison si tu n'es pas capable à tenir ta chambre, un appartement propre. Donc sinon, ça sera comme s'il va te punir. Donc tu dois d'abord être capable à faire le premier pas, à bien le faire avant qu'il puisse te donner le deuxième travail. After obeying the first, then the Lord now is not there. Nachdem er dann die erste Sache befolgt hat, hat der Herr ihm die zweite Sache gegeben. Du kannst halt nicht die Aufgaben des Herrn überspringen, so wie in einer Prüfung früher, wo du die erste Aufgabe nicht verstanden hast, dann bist du direkt zur zweiten gesprungen. Das versucht dich da irgendwie durchzukämpfen. Also funktioniert das nicht. En fait, on peut pas d'abord, l'Éternel nous donne un travail à faire et puis l'autre, il a son propre ordre. C'est pas que c'est toi qui vas choisir à faire d'abord le deuxième parce que le premier, c'était trop difficile. Tu vas rester dans le premier travail si tu n'as jusqu'à ce que tu vas le faire pour avoir le deuxième. And the word of the Lord came unto him, saying, verse 3, get thee hence, and turn thee eastward, and hide yourself by the brook Cherith, that is before Jordan. Verse 4, and it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded. Erster Versorger. C'est lui qui prend soin de toi. Amen. Commanded. The raven is not just coming. It's not just coming without the voice of the Lord. Der Raben kommt nicht einfach so ohne die Stimme des Herrn. Der was? Die Raben. Okay. Ici, les oiseaux ne vont pas venir seulement comme ça sans être commandés de l'Éternel. C'est lui qui doit d'abord commander. If anyone is there for you, it is the command from the Lord. Amen. That is obeyed. Wenn jemand für dich da ist, ist gehorcht dieser Person dem Befehl des Herrn. N'importe quelle personne qui est là pour toi, qui t'aide, c'est l'Éternel qui a commandé à cette personne de t'aider, et ce n'est pas la personne soi-même. Amen. Amen. Amen. Amen. Raven brought food to Elijah. Amen. Amen. And not the widow woman. Und hier in dieser Situation haben die Raben. He can't do without the widow woman. Now he's dealing with Raven. He can use anything to be there for his children, for his house, for his ministry. In diesem einen Schritt hat der Herr Raben benutzt, um Elijah zu versorgen. Er hat die Witwe nicht gebraucht, um Elijah zu versorgen. Der Herr kann durch verschiedene Dinge gehen. Und nichts davon, nichts von diesen Dingen sind wir abhängig, sondern nur von ihm. Ici, on voit que ce sont des rabbins qui ont nourri Élisée. Et ce n'était pas la femme veuve. Pour te faire voir que l'Éternel, il va fournir ou bien va prendre soin de nous à travers toute chose, à travers les hommes, à travers les choses ou bien même à travers les animaux. Il n'a pas besoin, il n'est pas, on ne peut pas le limiter en fait. Amen. Amen. Anytime you obey his voice, he is grateful. Wenn du seine Stimme gehörst, ist der Herr dankbar. Just like Elijah should be grateful also to this woman that he obeyed the voice of God. Amen. Amen. Toutefois, quand. Du erstmal. Immer wenn wir dem Herrn gehorchen sollen, ist der Herr dankbar. Und genauso war er auch dankbar für Elijah, dass er seiner Stimme gehorcht hat. Und auch so war auch Elijah dankbar für die Witwe, dass sie der Stimme des Herrn gehorcht hat. Toutefois, quand on obéit la voix de l'Éternel, l'Éternel est vraiment content, il est vraiment heureux. Tout comme Élie était aussi fière de la dame qu'elle a pu obéir à la voix de l'Éternel. And the widow woman should be thankful that she could obey. She's able to obey the voice of the Lord. Because, you know, if you look at the raven, look at the widow woman. You know, you can see that most of the time the raven take our blessing. I don't know if you get it. Yeah. Because we refuse to listen to the voice of the Lord. And obey his voice. Are you getting something? Und die Witwe sollte dankbar sein, dass sie der Stimme des Herrn gehorcht hat, weil oft nehmen die bei den Raben beispielsweise der Rabe nimmt unser Segen weg, weil die Frau nicht kooperiert, dann nimmt er das Tier. If you can see, the woman refused to cooperate, he can go to the Rabe again. So, okay. And the Rabe now taking the blessing of man. It was a blessing for that woman. The woman wanted to eat the last food and die. He not leave. I'm not, it is a blessing. You know, the raven could have taken the place. We should be grateful that raven did not take our place. Genau, amen. Und die Witwe sollte dankbar sein, dass sie dem Herrn gehorcht hat, weil hätte die Witwe nicht kooperiert, hätte Gott einfach wieder die Raben genutzt. Und die Raben hätten den Segen bekommen, die eigentlich die Witwe hätte bekommen können, weil sie dem Herrn gehorcht hat. Donc on doit comprendre que on a vu que l'Éternel est capable de travailler à travers n'importe qui, n'importe quoi. Et si nous, les êtres humains, on ne coopère pas avec, avec l'Éternel, lui, il va utiliser des animaux, des histoires ou bien quelque chose d'autre. Tout comme ici, on remercie l'Éternel que la femme veuve était capable à obéir la voix de l'Éternel. Si elle n'obéissait pas, l'Éternel allait aussi prendre un corbeau et nourrir Élie. Et ce corbeau-là, cet oiseau, bien les histoires, ça allait prendre notre bénédiction. Tu vois, donc on doit vouloir coopérer avec l'Éternel pour que les animaux ne puissent pas nous enlever nos bénédictions. Amen. Praise the Lord. On doit lire un roi à la maison. Lisez ça bitte als Hausaufgabe, 1. Könige 17. Un roi 17, lisez ça à la maison comme vos devoirs. Amen. The Lord, you know, he has fixed his kingdom. Der Herr hat sein Königreich festgemacht. L'Éternel, il a fixé son royaume. And you cannot change it. Nous cannot change it. Et nous, on n'est pas capable de le changer. We know all we need to do is just know the truth and obey the truth. Wir müssen die Wahrheit einfach nur kennen und ihr gehorchen. Qu'est-ce qu'on doit faire, c'est seulement de connaître de la vérité et de l'obéir. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. All Elijah need to do is just to listen to the Lord's voice. Alles, was Elijah tun musste, war seiner Stimme gehorchen. Amen. Tout ce que Élisée a dû faire, c'est d'obéir la voix de l'Éternel. Like verse 5. Look at verse 5. Comme dans verset 5. He said, and he went and did according unto the word of the Lord. For he went and dwelt by the brook Cherith. Un roi 17, that is verset 5. Before Jordan. All Elijah needs to do is just listen to the voice of the Lord and obey the voice. Alles, was Elijah tun musste, war einfach nur der Stimme des Herrn gehorchen und danach handeln. Tout ce que Élie a dû faire est de obéir la voix de l'Éternel et de agir ainsi. Elijah was depending on the Lord and not on the widow. Elijah hat sich auf den Herrn verlassen, nicht auf die Witwe. Élie était en train de dépendre. Dépendait de la femme de Jésus-Christ et de Dieu et pas de la femme veuve. Amen. Mm. And he was depending on the Lord and not on the raven. Und das gleiche gilt auch für die Raben. Er hat sich auf die Raben verlassen und auf den Herrn. Et tout comme avec les corbeaux, il ne dépendait pas de corbeaux, il dépendait de Dieu. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. And in verse 7 of 1 Kings 17, the brook dried up. Und in Vers 7, dort an dem Bach, wo er gehen sollte, um zu trinken, dieser Bach ist irgendwann ausgetrocknet. Imagine if he had depend on the brook. Stell dir vor, er hätte sich auf diesen Bach verlassen. Et on voit que, ici on voit que c'est ce lac là où, bon, là où il y avait de l'eau, ce lac là était, ça a été, comment on appelle, Ekaukaki. Amen. Parce que s'il dépendait de cette eau-là, il allait même assoiffé. Mais vu qu'il s'était entré, il dépendait de Dieu lui-même, c'est Dieu qui a continué à fournir. Donc on ne dépend pas aux choses, on dépend toujours de Dieu. The brook dried up. You don't depend on whatever he gives you. Tu verlässt dich nicht auf die Dinge, die er dir gibt. On voit ici que au bout d'un certain temps, comme il n'y avait pas plus de pluie dans le pays, le torrent se dessécha. Amen. You depend on him and not on your husband, and not on your wife, and not on your children, and not on, you know, you don't, you know, the brook dried up. It's a matter of time the flesh will dry up. Du verlässt dich auf ihn und nicht auf das Fleisch, nicht auf das Fleisch, nicht auf Menschen, nicht auf einen Ehemann, eine Ehefrau oder einen Menschen, Kinder, weil das Fleisch ist so wie Gras, ist vergänglich. Donc on dépend toujours à l'Éternel, on dépend jamais de ton, tu dois jamais dépendre de ta femme, de ton mari ou de ton enfant, parce que la chair est vraiment vanité, tu vois, ça peut, tout comme ce torrent là, ça s'est desséché là. Ça, comme, c'est tout comme la chair, ça, c'est aussi, oui, ça, c'est vanité en fait. Mais l'Éternel, lui, n'est pas vanité. Et c'est pour cela que tu dois dépendre de l'Éternel et pas des êtres humains ou des choses. You don't depend on your children. Tu verlässt dich nicht auf deine Kinder. Tu ne dépends pas de tes enfants. You know, some people see their children as their life. Thank the Lord that Jesus Christ is my life. Ich danke dem Herrn, dass Jesus Christus mein Leben ist. Il y a beaucoup de gens, ils pensent que... Dried up. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de dépendre de leurs enfants. Mais moi, je remercie l'Éternel que je ne dépends pas de mes enfants, je dépends de l'Éternel. Parce que la chair est toujours vanité. Der Bach ist ausgetrocknet. Comme ici, le torrent est séché. Amen. Amen. Whatever he gives you is a blessing, but you don't depend on them. Was immer er dir gibt, ist ein Segen. Blessings. Was immer er dir gibt, ist ein Segen, aber dennoch verlässt du dich nicht darauf. Tout ce qu'il te donne, c'est une bénédiction, mais tu ne dois pas dépendre de cette bénédiction qu'il te donne. Tu ne dépends pas de cette bénédiction, tu dépends de lui. Amen. Amen. And you don't depend on whoever he's going to go through to be there for you. Du verlässt dich auch nicht auf die Person, durch die er dich versorgt. Because he went through the raven. And you don't depend on the raven. As soon as today, people will start worshiping the raven. I don't know if somebody's getting it. Donc, tu ne dépends. Weil heutzutage würden die Leute die Raben dann auf einmal anfangen anzubeten und Statuen daraus zu machen, die Raben zu küssen und anzubeten und sagen, es ist die Versorger. This raven is a savior. The raven will turn to their savior. Donc, tu, n'importe tout ce que l'Éternel utilise à être là pour nous, tous les vaisseaux-là, on ne doit pas dépendre de ces histoires-là. Parce qu'aujourd'hui, ces jours ici, les gens vont commencer à adorer des corbeaux parce qu'il y a eu des corbeaux qui ont nourri Élie, par exemple. Mais c'était Dieu qui a nourri Élie à travers les corbeaux. Donc, on doit toujours remercier l'Éternel et pas ce qu'il a utilisé. Praise the Lord. Alléluia. He is your provider. Er ist dein Versorger. Il est ton fournisseur. Amen. The bird is never your provider. Amen. Der Rabe ist nicht dein Versorger. Le corbeau n'est jamais ton fournisseur. And allow him to be your provider. Lass zu, dass er dein Versorger ist. Et autorise que l'Éternel puisse être ton fournisseur. Amen. Amen. How? Believe him. Listen to his voice and obey his voice. Seine Stimme glaubst und gehorchst. Et comment tu le fais? Tu le fais quand tu lui crois et tu l'obéis. Amen. Alléluia. And also, there is always a place God there for you. Und es gibt auch einen Ort, an dem der Herr dich haben möchte. Et il y a toujours un loyer, un lieu où l'Éternel veut que tu puisses être. Allow your prayer to be, Father, where you want me to be, help me to be there. Amen. Und lass zu, dass dein Gebet ist, dass Herr, wo du mich haben willst, dort will ich sein. Amen. Et c'est pour cela que tu dois prier, Éternel, là où tu veux que je puisse être, fais que de sorte que je puisse être là. Amen. Amen. Amen. That place might not be comfortable or good enough. Dieser Ort ist vielleicht nicht gemütlich. Naturellement, ce lieu peut être ça peut te gêner ou bien ça peut pas être confortable pour toi. You know, he sent the raven to go under the brook shelter and not to go to the palace to feed Elijah. I don't know if you get it. But if I imagine if Elijah have if you have said I will remain in palace, it makes sense to be in palace, to be with King Ahab, than to go to Brook Sherry. It's not what makes sense, what is logic. Amen. It is what he said. Amen. Die Versorgung kam zum Bach Kri, zu einem Ort, der vielleicht ungemütlich war, im Vergleich zum Palast. Und logisch gesehen hätte hier eigentlich im Palast bleiben müssen, weil er da hätte gesagt, okay, im Königshaus gibt es immer was zu essen. Und da kann der Herr mich sogar noch besser versorgen. Aber er hat dem Herrn gehorcht und ist rausgegangen in diese Wildnis und hat sich an diesen Bach begeben. Tout comme Élie, quand on voit ici, par exemple, il pouvait aussi dire que oui, je veux rester dans le palais avec le roi et je ne veux pas partir là où l'Éternel m'envoie parce que ça, c'est comme un désert, je ne peux rien faire là-bas. Mais lui, il a autorisé parce que Dieu lui a envoyé là-bas, il va prendre soin de toi là-bas, même si ce n'est pas confortable pour toi. You know, naturally, no man with his right senses, according to the world system, we choose to live under Brook Sherry, under a tree. Jeder Mensch mit normalem Verstand würde sich niemals dafür entscheiden, unter einem Baum zu leben, wenn er in einem Palast leben könnte. Chaque personne qui raisonne bien ne va jamais vouloir vivre dans une place où il y a seulement en dessous d'un arbre que vivre dans un palais. You know, Mr. and Mrs. Google direct people's life today. You know, they want the truth, they go to Google. Ihr wisst, dass das Internet... They never go to the Holy Ghost. You learn to go to Christ. Amen. Their Google is Christ. It's the Holy Spirit. In Nigeria, they call Google Ifa. You know what is Ifa? Witch doctor that can see. That's what they call it. Because anything you want, you know, just go there, you see it. But you know, people so much depend on even the God children. You want any answer to problem, you go there. You ignore the Holy Spirit. He's the one telling you how to live your life. He's the one telling you what is right, what is wrong. The Holy Spirit, what is his job? He said, we reveal all truth to Amen. You and help you and guide you into the truth. Amen. Und heutzutage verlassen sich die Menschen auf das Internet. Ne? Sie denken nicht mehr für, also sie, ihr ganzer Verlass, ihre Weisheit, ihre Entscheidungen werden vom Internet getroffen. Sie schauen sich an, wie viele Leute sich hierfür entschieden haben, wie viele Leute dahin gegangen sind, wie dieser Ort aussieht. Das ist das, was ihr Leben leitet. Und selbst in Nigeria beispielsweise nennen sie sogar das Internet sowas wie eine, wie ein Hexenmeister, der alles sieht. Ja, ein Hexenmeister oder ein Orakel sozusagen, was über alles entscheidet, was dir helfen kann, Entscheidungen zu treffen, wo du einfach etwas reinschmeißt und es kommt eine Antwort immer wieder raus. Eine Antwort, die dir gefällt, die du brauchst für deine Situation. Und so sehr verlassen diese Menschen sich auf das Internet. Aber wir sollten uns auf Jesus Christus verlassen, auf den Heiligen Geist verlassen und uns nicht auf diese menschengemachten Dinge verlassen, nicht auf diese Geschöpfe verlassen. On doit comprendre que dans ce monde, les gens sont vraiment en train de, à travers Google ou bien Internet, ils sont vraiment dépendants de ça, ils dépendent vraiment de ça. C'est la plateforme que ce monde nous donne pour répondre à toutes nos questions, en fait. Mais nous, les enfants de Dieu, on doit dépendre du Saint-Esprit lui-même, parce que la Bible dit que c'est lui qui va nous donner, nous révéler toutes choses. Donc c'est lui qui nous révèle et pas l'internet ou quelque chose d'autre. Et c'est pour cela, nous les enfants de Dieu aujourd'hui, nous ne sommes pas modernes. On doit rester en Jésus-Christ, le Saint-Esprit et notre, la personne qui nous explique tout. On doit, on doit accepter. Amen. Amen. L'internet is good, but it has done more harm than good. To look at people embracing religion to destroy internet. Und das Internet hat auch seine guten Seiten, aber es zerstört mehr, als dass es aufbaut. Religion, es hat zum Beispiel Religion sehr verbreitet und sehr viel, krass zugänglich gemacht für viele Menschen, dass die Irrlehre, weil genauso wie sich die Wahrheit schnell verbreitet, verbreitet sich jetzt die Irrlehre auch umso schneller. Donc on doit comprendre que l'Internet, c'est pas mal, mais le diable est en train d'utiliser ça aussi pour ses œuvres à travers, par exemple, si tu vois... les églises religieuses, ils sont en train vraiment de marcher à travers l'internet, et c'est le diable qui est derrière ça. C'est pour cela, nous les enfants de Dieu, on doit faire attention que le diable ne puisse pas nous confondre. Amen. Amen. Allow your eyes to be open unto the Lord. Amen. Amen. If your eyes are open unto this word, you know, like you know, beneath, they say if your eyes is too open. That we go in. Und wir sollten zulassen, dass unsere Augen gegenüber Christus weit geöffnet sind, ne, und empfänglich sind, aber nicht weit gegenüber dieser Welt und empfänglich sind für alles, was die Welt uns zu bieten hat. In Benin gibt es ein Sprichwort, was sagt, dass wenn du dein Auge zu weit öffnest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Staub ins Auge bekommst, viel schneller als jemand, der seine Augen halt eher geschlossen hält. Oder eher for example, if your eyes, you're this table and your eyes is as wide as this room, anything coming will be just be entering inside. Mm. But if it is so small like this, things can hardly go inside. Yeah. Allow it to be so small in Christ. Allow it is going to be let it be big in Christ. Amen. Let it be all about Christ. Amen. That's why I said be simple. Lass zu, dass deine Augen klein und sogar verschwommen, wenn nicht sogar, sind gegenüber dieser Welt. Aber nicht offen, weit offen gegenüber der Weisheit dieser Welt, dass du alles Böses dieser Welt weißt und kennst und dazu was sagen kannst und immer wieder dazu was preisgeben kannst. En fait, tu dois vraiment comprendre que tes yeux spirituels doivent être ouverts, mais tes yeux physiques, ça doit être presque fermé, parce que il y a un adage qui dit, par exemple, chez eux d'où il vient, que si tu ouvres tes yeux gros comme ça, il y aura chaque poussière qui va entrer là-bas, tu vas même mourir, parce que vu que tout est en train de rentrer et d'affecter tes yeux. Et c'est pour cela, c'est même mieux de regarder un peu louche comme ça les histoires ne viennent pas dedans. Et c'est comme ça qu'on doit laisser nos yeux physiques fermés et ouvrir nos yeux spirituels. Amen. Amen. A lot of believe devil pursuing them than seeing that they are sons of God. Mm. It's always Satan is pursuing me, is deceiving me, is doing this, doing this. Why don't you see Jesus love you? Amen. Weil viele haben ihren Fokus darauf, dass sie vom Teufel gejagt werden, verfolgt werden, aber sie haben ihren Fokus nicht darauf, dass sie, dass der Herr in ihnen ist, ne? Dass der Herr schon alles überwunden hat. Das sehen sie nicht. Und deswegen müssen wir wirklich darauf aufpassen, dass unsere geistlichen Augen gegenüber der Wahrheit geöffnet sind und nicht gegenüber den Lügen des Satans. Amen. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont en train de dire, oui, le diable me combat, le diable est en train de me poursuivre, le diable, ceci, cela. Mais au lieu de reconnaître, de dire, Jésus-Christ est mon Père, Dieu même, que tu puisses méditer sur ça. Et c'est pour cela qu'on doit faire attention d'être naïve pour le monde, mais être intelligent pour notre esprit, en fait. I thank God for the widow woman. Deswegen, ich danke Gott für diese Witwe. C'est pour cela que je remercie l'Éternel pour la veuve. Sie hat sich nicht erstmal eine menschliche Meinung eingeholt, um diese Entscheidung zu treffen. La femme veuve, quand Elie lui a dit que donne-moi ta dernière nourriture, elle n'est pas partie chez les voisins ou bien chez quelqu'un d'autre pour demander leur opinion. Amen. Elle a directement obéi. Just like Abraham. God said, leave your father's country. He left without taking second thought of it. He said, give me your son. He went immediately. Once you say it is over. Praise the Lord. Halleluja, wie Abraham, der auch, nachdem der Herr es gesagt hat. Did you not even go to the wife to seek the opinion? Are we to go? The wife did not say, 20-something years. 20-something years want to go. Und er hat direkt auf das Wort des Herrn hat er gehandelt und das direkt gemacht. Er hat nicht erstmal mit seiner Frau Rücksprache gehalten, soll ich das tun oder nicht. Oder wie wir heutzutage erstmal im Internet geguckt, wer hat das gemacht, für wen war das profitabel, für wen war das nicht profitabel. Sondern er hat es direkt getan, durch Glauben und Vertrauen. Tout comme Abraham, quand Dieu lui a dit que tu dois quitter le pays de ton père, elle n'est pas partie d'abord chez sa femme pour lui demander tu penses quoi, qu'est-ce qu'on va faire. Sinon même la femme pouvait même paniquer pour, ou bien avoir peur, quelque chose comme ça, et il allait aussi commencer à douter. Non, il a seulement obéi. Et aujourd'hui, on doit aussi être comme ça, seulement obéir et pas d'abord regarder à l'internet. Est-ce que ça marche? Ça a fonctionné pour les autres personnes? Et moi, maintenant, c'est comment? Donc, oui. Amen. Amen. Elijah did not seek another opinion. Elijah kind of had a question. Yeah, will I stay? Is it the Brook Sherry? No, I just heard the voice. He said I should go to Brook Sherry. What makes sense? Does that make sense? There is a... You think it's God that will tell me to go? You are asking and doubting. They are full of it today. Ehrlich gesagt, macht das Sinn? Soll ich den Palast wirklich hinter mich lassen und an diesen Bach gehen? War das überhaupt von Gott? Er hat diese Fragen nicht gestellt und bei diesen Fragen stellen sogar noch Unglauben geäußert, sondern er hat einfach vertraut und es hat gehandelt. Ist sie, Il n'a pas demandé, oui, Elie n'a pas dit que j'ai écouté une voix qui me dit de partir dehors, de quitter le palais et partir me mettre sous un arbre. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça a un sens? Il n'a pas fait ça. Il a seulement écouté, il a obéi. Amen. Et c'est comme ça qu'on doit être. Obey the voice of Christ. You know the answer already. Apprends à obéir l'Éternel. Don't pretend that you don't know. Du kennst die Antwort schon. Tu nicht so, dass du die Antwort nicht kennst. Tu connais déjà la réponse de l'Éternel. Ne fais pas comme si tu ne connaissais pas la réponse. You know, people even consider people laughing at them. What do they say about me? Leute. If I join Christ, if I choose Christ, what will my family say? What will? You know, you are not ready to follow Christ. If you are really ready to follow Him, you will not consider any evil. Amen. Amen. Leute erachten sogar, ob sie ausgelacht werden, wenn sie sich für Jesus Christus entscheiden. Aber jemand, der immer noch über solche Konsequenzen nachdenkt, der will Christus nicht wirklich folgen. Er hat nicht verstanden, weshalb er Christus folgen soll. Les gens ont vraiment toujours peur d'être moqués. Ils se disent, si je dis que je veux suivre l'Éternel, les gens vont se moquer de moi. Quand tu as une pensée comme ça, ça va te faire voir que tu n'es même pas prêt à suivre Jésus-Christ. Praise the Lord. Parce que tu ne considères pas, quand il s'agit de Jésus-Christ, tu ne considères pas l'opinion d'autres personnes. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. People will laugh at me if I choose it. Leute werden mich auslachen, wenn ich mich für Jesus entscheide. Si je choisis Jésus-Christ, les gens vont se moquer de moi. They have been laughing at you even before, without choosing it. Aber sie haben mich auch vorher ohne Jesus ausgelacht. They have been laughing at you. Sie haben mich schon vorher. You are so funny today. Sie haben mich schon vorher über dich lustig gemacht. Sie schätzen dich doch nicht mal. Donc, tu te dis, mais si je choisis Jésus-Christ, les gens là vont se moquer de toi, de moi. Mais sans savoir que même avant, ils se moquaient déjà de toi, toi, tu ne savais même pas. Why don't you choose Christ and allow it to be for Christ's sake? Weshalb wählst du eigentlich einfach Jesus Christus und lass zu, dass dann halt, dann wenn sie lachen, dass dann auch wegen Christus ist? Pourquoi tu ne choisis pas Jésus Christ et que tu laisses que si même il se moque de toi, il se moque de Jésus Christ, là c'est bon. Praise the Lord. Amen. On va lire un continue to listen to him and obey his voice, please. Lerne seiner Stimme zu gehorchen. You obey the truth. Nicht nur hören, sondern auch befolgen. Pas seulement écouter, mais obéir sa voix. Obey the truth. Look at it. 1 Peter 1:22. 1 Pierre 1:22. How to clean our soul. Wie wir unsere Seele reinigen. Comment purifier notre notre âme. How to renew our soul. How to renew our mind. Comment renouveler notre âme. Comment renouveler nos pensées. C'est 1 Pierre 1, 22. Amen. It says, see, you have purified your souls in obeying the truth. Obeying the truth. Not just hearing the truth, but obeying it. 1 Pierre. Nicht nur die Wahrheit hören, sondern ihr auch gehorchen. Pas seulement écouter la voix de l'Éternel, mais aussi obéir ce qu'il te dit de faire. 1 Pierre 1, verset 22. Obey the truth. You know who the truth is. You know what the truth is. Jesus said in John 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. Christ is the truth. Christus ist die Wahrheit. Obey the truth means obey Christ. Obéir la vérité, ça signifie d'obéir Jésus-Christ. It has nothing to do with the pastor. It has nothing to do with anybody. It has everything to do with Christ. Obéir la vérité, ça n'a rien à faire avec obéir le pasteur ou bien quelqu'un d'autre. Ça signifie seulement obéir Jésus-Christ lui-même. Amen. Then he said, through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that you love one another with pure heart fervently. With pure heart and not with evil heart. And not your heart is full of evil motive. Nicht, dass unser Herz voll ist mit bösartigen Motiven. Obéir Jésus-Christ avec un cœur pur. Pas que tu obéis avec un cœur vraiment avec un motif mauvais. Amen. Amen. The truth is Christ. Die Wahrheit ist Christus. Not Moses. Und nicht Mose. La vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est pas la loi de Moïse. Amen. Amen. And obeying him is not just one, in one aspect. In others, you are disobeying him. Und ihm, you obey him in all. Ist nicht nur in and you continue to obey him. Sondern allem. Donc, obéir Jésus-Christ, ce n'est pas seulement d'obéir à quelque chose, mais autre chose. Toi-même, tu dis que bon, c'est un peu difficile à obéir. Non, tu obéis Jésus-Christ en tout. Amen. Amen. Because if you say no to him, it's automatic yes to Satan. Wenn wir Nein zu ihm sagen, sagen wir ja zum Satan. Parce que dès que tu dis non, parce que quand tu dis non à Jésus-Christ, c'est automatiquement aussi oui pour le diable. Il n'y a pas une troisième option. Denn es gibt keine dritte Option. Amen. Obey him is not just once or twice, but continuously. Und ihm zu gehorchen ist James eine one. Einmalige James Sache. One. Amen. Pour obéir l'Éternel, ce n'est pas une chose pour une fois, c'est une chose qu'on fait continuellement. Jean 1. James 1. Jacques 1, pardon. Jakobus 1, 22 bis 24. Praise the Lord. Hallelujah. Jakobus 1, 22 bis 24. Amen. Amen. Are we there, please? Praise the Lord. Hallelujah. Who will help us to read? Oh, you are shut. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Praise the Lord. Hallelujah. It's okay there. You know, people, you know. they love to listen. Leute, hören gerne zu, aber handeln nicht. I don't know. Who are you? Ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en acte, sans quoi vous tromperiez vous-même. Aber wer sind wir dann, wenn wir einfach nur zuhören, aber nicht handeln? Qui es-tu que tu écoutes, mais tu n'agis pas? Sind wir dann nicht genauso wie die gar nicht gehört haben? Est-ce que nous ne sommes pas comme les gens qui n'ont même pas écouté, si tu n'agis pas? You know, Christ, he says you obey him. More than even you're hearing him. Some people have not heard him, but they obey him. Amen. Und der Herr sieht unser Handeln mehr als unser Hören. Einige Leute haben nicht gehört, aber handeln dennoch. Jésus-Christ, Dieu, lui, il voit, il considère notre obéissance plus que ce qu'on écoute, parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont même pas écouté, mais sont en train d'obéir. If you go to 1 John, it talks about faith. A perfect faith and a dead faith. A perfect faith is a faith that you know, once you believe, you act. And now once you believe, you are postponing. You are saying, you are giving excuse. You have millions of excuses. Satan loves that. Satan sees your obedience. You know, just like Jesus sees you are obeying more than you're hearing. So also is Satan. Satan never cares if you hear. He's watching if you will obey. Und genauso ist es auch beim Teufel. Ihm ist es egal, ob wir hören. Ne? Ihm ist einfach nur wichtig, dass wir nicht danach handeln. Ne? Deswegen lässt er dann zu, dass du halt zur Gemeinde kommst, du Bibles studies, all diese Sachen machst. Hauptsache, du handelst einfach nicht nach dem, was du die ganze Zeit hörst. Und da ist halt sein Sieg. Und genauso ist es auch bei Christus, dass er, ihm ist es so egal, ob wir handeln, aber er möchte, wir hören, er möchte, dass wir danach handeln, nach dem, was wir gehört haben, weil sonst ist das vergänglich. Ja. En fait, le diable, lui, c'est pour cela, il ne panique pas quand on écoute la parole de Dieu, parce que lui, la seule chose qui est importante pour lui est qu'on ne puisse pas agir ainsi, parce que même les païens, donc, eux, ils n'écoutent pas, ils ne font rien, mais toi, un enfant de Dieu, tu écoutes, mais tu n'agis pas selon la parole de Dieu. C'est pour cela, il n'est pas, comment on appelle, le diable n'est pas inquiété, parce que lui, son inquiet, c'est quand toi, tu agis. Et c'est pour cela qu'il laisse aussi que partez à l'église, écoutez la parole de Dieu, parce que en fait, vous n'allez même pas agir selon la parole, parce que c'est même trop difficile pour vous d'agir ainsi. Please, you can't. Instead, just choose Satan and just choose Satan and know where you are. You because you that you are here. On that day, you will regret more than those that choose Satan here, because you think you are there, meanwhile you are not there. And on that day, you go to hell. Your punishment, you will weep more than them. Are you getting it? Because you thought you were there. But those people, they don't know that they are shit. That they're, you know, for them, it doesn't matter where they go. But you did not, and you know, for them today, they believe they are enjoying here. And you believe you because of Jesus Christ, you don't do what they do. You pick and choose. You pick and choose. You will just suffer for nothing. Amen. It's better you pack your load and go to Satan. Than your one leg there. You know, you imagine it. One of your legs is there, the other one. Do you want to see how your poo-poo will tear? Und es ist Genau. Let the truth be on Christ. Es ist besser, dass wir uns positionieren, weil wer sich nicht positionieren kann, hat sich schon positioniert, nämlich auf die Seite des Satans. Weil glaubt mir, es wird bitterer sein, in die Hölle zu gehen, wenn man nicht hier in der wenn man in der Gemeinde hier war, diese Gemeinde besucht hat und in die Hölle geht, als jemand, der einfach in der Welt war, sich für den Satan entschieden hat und direkt wusste, dass er in die Hölle geht, aber sich gedacht hat, ich lebe einfach mein Leben und dann die Unendlichkeit kommt dann halt einfach auf mich zu mit dem Satan. Ne? Deswegen ist es besser, sich wirklich zu entscheiden, zu sagen, okay, ich gehe komplett in die Welt und lasse das einfach alles liegen oder ich gehe komplett mit beiden Beinen Christus. Weil sonst wird halt dieser Spagat uns die Beine brechen und nichts nützen. En fait, on doit faire attention, on doit vraiment se positionner. C'est vraiment important parce que il y a des si tu viens vers l'Éternel, tu viens même dans cette église et tu écoutes mais tu n'agis pas, c'est comme une personne qui ne s'est pas encore positionnée. Et c'est pour cela, au lieu de faire comme ça, tu dois te positionner même, c'est plutôt mieux pour toi de partir complètement chez le diable. Parce que là, tu sais au moins qu'est-ce qui va t'arriver à la fin. Au lieu de te positionner vers Jésus-Christ, mais avoir tes pieds là-bas, tes pieds écartés, un à gauche, un à droite, donc pour ressembler à quoi? Et c'est pour cela que c'est important de se positionner. Et aussi, parce que les gens de ce monde, eux, quand le diable va venir les prendre, ils savaient même pas la vérité, ça les importait même pas. Ils savaient même déjà qu'ils sont en train de vivre dans... À côté du diable. Voilà. Et nous, les enfants de Dieu, on doit vraiment se positionner, sinon ça va nous faire mal à la fin. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 22, it says, but be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own self. Do you know how many times you deceive yourself? Wisst ihr, wie oft wir uns selbst betrügen? Wir hören, aber handeln nicht. Wir hören und sagen immer wieder, aber, aber, aber, aber. You don't have a semantic in his heart, so he is. Und wenn you believe you don't have and you wonder why you don't have. Aber wenn wir immer unsere Armut oder unser Nichts haben als Ausrede dafür nutzen, nicht zu handeln nach dem Herrn, dann sagt ja auch die Bibel, dass so wie wir von uns denken, so sind wir dann halt auch. Wenn wir denken, dass wir arm sind, sind wir auch arm. Oui, quelquefois, l'Éternel nous dit quelque chose, à faire quelque chose, tu dis oui, ben oui, mais je n'ai pas. Donc, comme toi, tu penses dans ton cœur, c'est qui tu es à la fin. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire attention. Tu dois, ou tu crois ou tu ne crois pas. Mais tu ne peux pas dire que je crois, mais il y a quelque chose d'autre qui me retient. Ces mais-là, c'est aussi comme si tu es tiède, tu es au milieu. Et la Bible nous dit qu'on ne peut pas être tiède. Ou tu es chaud, ou tu es froid. Praise the Lord. Hallelujah. You know, I myself, I must obey also. Ich muss auch gehorchen. It's all of us. Wir alle müssen gehorchen. Moi aussi. It's a race. Moi aussi, je dois obéir. I must obey. Ja, es ist ein Rennen. Wir sitzen sozusagen alle im gleichen Boot. Wir müssen gehorchen. Pas seulement vous qui devrez obéir. Moi aussi, je dois obéir. This very message I'm preaching it to also to myself. Diese Botschaft predige ich auch zu mir selbst. Ce message que je suis en train de prêcher, je prêche ça aussi pour moi-même. Weil viele sich was vormachen. Parce que beaucoup de personnes sont en train de se tromper. Never shed them. Und es macht nichts mit ihnen, dass sie sich selbst betrügen. Sie nehmen es einfach hin. Les gens sont en train de se tromper eux-mêmes et ça les intéresse même pas qu'ils sont en train de se décevoir eux-mêmes. Amen. Amen. Verse 23 says, for if any man, if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholded himself and goeth his way, and straightway forgetting what manner of man he was. Mm-hmm. Amen. Amen. You know, once you look at your face on the mirror, you live there, and come here. Once you live there, somebody can still tell you something is here. And immediately you are going back. You have forgotten that you have just looked at your face. Mm-hmm. You never trust it. Und das ist so wie, als ob du gerade eben vom Spiegel warst, ne, und dich fertig gemacht hast und dann schaut dir jemand ins Gesicht und sagt, du hast da aber hier was. Und sagst du, das kann aber nicht sein, weil ich war eben am Spiegel, ich habe gesehen, ich habe nichts im Gesicht. Und jetzt hast du die Wahl. Entweder glaubst du der Person, die dich darauf aufmerksam macht, oder du glaubst deinem Spiegelbild. Also glaubst dem, was Jesus Christus über dich sagt. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Maman dit ici que c'est comme, par exemple, quand tu viens de te regarder dans un miroir, tu regardes un miroir et une seconde après, je te dis, tu as quelque chose blanc dans ta face. Et c'est toi qui vas décider où tu me crois, où tu pars encore, où tu doutes, où tu crois à toi-même, c'est que tu avais vu une seconde passer, qu'il n'y avait rien, ou bien tu vas douter parce que moi j'ai dit quelque chose et tu rentres encore pour regarder encore. Et look c'est comme at, ça avec what's the problem of this person that look at himself on the mirror? He went away. Mm. You should be in front of that mirror. Mm. I don't know if you get it. Mm. You know, you look at it, it's for he beholder himself and goeth his way. He look at himself on the mirror. Christ is our mirror. Where we look at ourselves and never get away from them. Mm-hmm. And once you go away, you are going to forget him. Mm-hmm. You forget and somebody is not the one telling you. Mm-hmm. I don't know if you get it. Mm-hmm. The perfect law of liberty. Und das Problem dieser Person ist, dass sie sich eben, dass sie davonläuft, ne, und bald vergisst, wie sie aussieht. Eigentlich hätte sie am Spiegel bleiben müssen und darauf konzentrieren müssen, wie sie aussieht. Was der Herr über sie sagt. Fokussiert bleiben darauf. Ne, damit dieser Spiegel deine Realität ist und nicht weglaufen und dann, damit dir jemand anderes deine Realität versucht weiß zu machen. Et c'est quoi la personne, le problème de cette personne ici, qui est repartie encore dans le miroir. Son problème est qu'il avait quitté le miroir. C'est comme si tu as quitté Jésus-Christ et quelqu'un d'autre doit encore te ramener là-bas. Et il ne faut pas quitter là. Tu dois toujours rester dans ce miroir qui signifie Jésus-Christ pour que quelqu'un ne te confonde pas, pour te dire que oui, tu as quelque chose d'autre dans ta face. Sinon, tu vas douter. Mais si tu restes dans le miroir, tu vas pas douter. The mirror reminds you of who you are. The mirror tells you who you are. You know, that's why if you want to know who you are, you go to the scripture, go to Christ. He will reveal who you are to you. Amen. Praise the Lord. Deswegen, wenn du wissen willst, wie du aussiehst, gehst du in deinen Spiegel. Wenn du wissen willst, wer du bist in Christus, dann gehst du in das Wort. Er wird dir offenbaren, wer du bist. Der Heilige Geist wird dir offenbaren und zeigen, wer du bist. Et c'est pour cela, c'est important de rester dans le miroir et que le Saint-Esprit continue à te révéler qui tu es. Sinon, tu vas t'en douter et quand tu n'es plus là. Amen. Il dit, mais whoso looketh into the perfect law of liberty and continue therein. You see there? You look at the mirror. The mirror, Christ is your mirror. Du schaust auf den Spiegel. Continue to be there. Bleibst in Position. C'est Jésus-Christ qui est ton miroir et tu dois continuer à te regarder dans ce miroir et d'y rester. He be not a forgetful hearer. Why? Because the mirror reminds you of who you are. Ja, und er ist kein vergesslicher Hörer in Vers 25, weil er immer vor dem Spiegel steht und dieser Spiegel erinnert ihn immer wieder an das, was er sieht. Et verset 25 nous dit que la personne qui demeure fidèlement attachée et à l'île de Dieu, il n'oublie pas, parce que tu n'oublies pas, parce que tes yeux sont toujours vers l'éternel, vers ce miroir. Tu sais vraiment comment à quoi tu ressembles. Amen. The mirror will help you not to be a forgetful hearer. Der Spiegel hilft mir, kein vergesslicher Hörer zu sein. Le miroir va t'aider à ne pas être quelqu'un qui oublie à quoi il ressemble. But a doer of the work. This man shall be blessed in his deed. Praise the Lord. Et lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il est conformé, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Amen. Amen. Look at the same book, but the next chapter 2. Amen. Let's just quickly read from verse 19. On va rester dans Jacques. On va lire Jacques 2, verset 19. Amen. Let me see. Amen. Okay. From 17, better. 17. Verset 17, pardon. Amen. Are we there, please? Amen. He said, even so faith, if it had not works, is dead, being alone. A dead faith. Ein toter Glaube. Une foi morte. Prove your faith. Prüfe deinen Glauben. Il est ainsi de la foi. Ist er lebendig oder tot? Il est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. C'est pour cela que tu dois checker ta foi. Amen. Est-ce qu'elle est vivante ou elle est morte? Il s'agit, a man may say that has faith and I have work. Show me your faith without your work, and I will show thee my faith by my works. I don't know if you get it. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. There is nothing like I believe and there is no action. Kannst du sagen, ich glaube ohne dass eine Handlung ist? Tu peux jamais dire que tu crois sans avoir posé des actes. Amen. Amen. Felix, can you help us to read verse 18? 18. Verset 18. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweis mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Mais quelqu'un dira, l'un a la foi, l'autre a les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans tes actes et je te montrerai ma foi par mes actes. Look at it, verse 19. That believeth that there is one God, that doeth well. The devils also believe and tremble. You are not different from Satan. Wir sind da nicht gleich. He's comparing you to Satan. You that believe, I believe that there's no action. He's comparing you to Satan. Er vergleicht uns mit den Dämonen, die nämlich auch glauben, aber nicht danach handeln, sich eben nicht ergeben und dem Herrn folgen, sondern sie glauben auch, dass es den Herrn gibt. Verset 19 nous compare au diable et ses démons, parce que eux aussi, les démons, ils savent qu'il y a un Dieu. Mais, et puis, ils ont aussi peur de l'Éternel. Et toi, une personne qui sait qu'il a Dieu, qu'il existe et que tu n'imposes pas des actes, tu n'es pas différent à un démon. The devil believes, but he refuses to obey. Dämonen glauben, aber sie weigern sich zu befolgen, genau wie du. Un démon écoute, mais il refuse. Le diable écoute, mais il a refusé à obéir. Il a refusé à obéir comme toi, tu écoutes la parole de Dieu et tu refuses d'agir ainsi. Jenny, shall help us to read this verse 19 again. I love it. Mm-hmm. Verset 19. Vers 19. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Do you know how many times Muslims have told me that there's one God? Wisst ihr, wie oft Muslime mir schon gesagt haben, dass es nur einen Gott gibt? There's one God. I said, no, I don't know. Which God are you talking about? Ich frage mich, welchen Gott du meinst. Ich frage ihn immer. Because my God and your God, you're different. Mein Gott und ihr Gott ist nicht der gleiche. En fait, même les musulmans disent aussi qu'on a un seul Dieu. Mais maman dit aussi toujours, mais non, parce que votre Dieu, mon Dieu, c'est pas le même Dieu. Amen. The devil also believes and trembles. Der Teufel glaubt es auch und er zittert. Parce que verset 19 nous dit que tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est bien, mais le démon aussi. Amen. Il croit que il y a un Dieu et il tremble. Now when somebody say I believe in God, I know there is God, I believe in God, we are all happy. Mm-hmm. It's not different from the devil. Mm-hmm. Because the devil also believes. Mm-hmm. Und wenn jemand glaubt und sagt, also meinst du glauben, weil nicht danach handelt, ist er genauso wie der Satan. Comme tout comme un homme, un être humain qui pense qu'il croit, il écoute sans, sans faire poser d'exact, il est aussi comme un diable qui croit mais qui ne se repent pas. Verse 20. Verset 20. But we don't know, O vain man, that faith without works is dead. Was not Abraham our father justified by works? When he had offered Isaac, his son, upon the altar. Praise the Lord. Abraham said, no, the Lord, he heard the voice of the Lord. And what? He went. Immediately acting on it. Mm-hmm. We take, you know, take us years, take us time. Message upon message. And you want to prove you are a son of God. You are a son of devil. The devil is your father. If Christ is really your if you really, Jesus, if you drink my water, you taste no longer. It's either you drink it or you do not drink it. Und Abraham hat sofort gehorcht und danach gehandelt. Aber wir brauchen Predigt über Predigt über Predigt, um zu handeln. Und wir dürfen uns da nichts vormachen. Entweder hören wir auf das, was er sagt, oder wir nennen ihn einen Lügner. Und wenn wir ihn Lügner nennen, dann sind wir keine Söhne Gottes, sondern Söhne des Satans. Abraham, par exemple, lui, on lui a parlé, il a écouté, il a directement obéi. Et c'est tout comme aujourd'hui, nous, aujourd'hui, les enfants de Dieu, on est à l'église, on écoute les prédications, mais on n'agit pas. On est comme le diable et ses démons. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Let me go forward. Amen. Amen. On va avancer. Verse 22. Says down how faith wrought with his works. And by works was faith made perfect. Without your work, your action. You know, I cannot trust you without your action. Ich kann dir nicht vertrauen ohne deine Handeln. Moi, par exemple, je peux pas vous faire confiance sans vos actions, sans vos actes. I want, you know, the Lord. Want, you know, he waited until Abraham took that son. Amen. Abraham did not just say, "I believe," and that's all. He took that son and he went there. Er hat gewartet. Der Herr hat gewartet, dass Abraham wirklich diesen Sohn nimmt und dort dahin geht und das macht. Er hat ihn nicht einfach so vertraut, sondern hat gewartet und gesehen, ob man ihm vertrauen kann. Abraham, par exemple, lui, quand Dieu lui a dit de partir tuer son fils, Dieu n'a pas, Dieu lui a dit d'abord, il a attendu jusqu'à ce qu'il puisse poser cet acte. Il a commencé à faire, il a jamais pris l'épée pour appoigner le couteau pour appoigner son poignarder son fils. Et c'est là que Dieu a dit que je te fais confiance. Donc, il a d'abord vu cet acte. Il n'a pas dit ça avant. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 23. Verse 23. And the scripture was fulfilled. We said, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness. Mm-hmm. Your believing him and acting on it is your righteousness. Im Glauben, danach handelt seine Gerechtigkeit. Abraham a eu confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Donc ta justice, c'est quand tu crois à ce que l'Éternel te dit de faire. Look at this place. Et tu agis. And he was called the friend of God. Et il wurde ein Freund Gottes genannt. Et il a été appelé ami de Dieu. You know, you can have a mother that is not your friend. Du kannst you can have a father that is Mutter not your friend. Nicht deine Freundin ist. Du kannst einen Vater haben, der nicht dein Freund ist. Tu peux avoir une mère qui n'est pas ton ami. Oui. Ou bien un père qui n'est pas ton ami. You choose your friend. Wir entscheiden, wer unsere Freunde sind. C'est toi qui choisis qui doit être ton père. Amen. Amen. You can have brothers and sisters that they are not your friends. Du kannst Geschwister haben, die nicht deine Freunde sind. Sogar deine Feinde sind. Tu peux avoir même tes soeurs et frères qui sont tes ennemis. The only man God called a friend in Old Testament. Den einzigen Menschen, den Gott seinen Freund nannte, war Abraham. Believe God. Denn er hat Gott geglaubt. Er hat danach gehandelt. La seule personne que Dieu a appelé son ami, c'était Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a cru en Dieu. Il lui a fait confiance. Il a agi ainsi. Amen. Amen. Abraham had only 5 words. Abraham hatte einfach nur 5 Worte. And those 5 words, he used it. Und diese 5 Worte hat er genutzt. Use it. Today we have millions of words. Heute haben wir Millionen von Worten. Und dennoch können wir nicht glauben. Abraham avait seulement 5 paroles. Et il a cru à ces 5 paroles que Dieu lui a dit. Et il s'est accroché à ça. Mais nous, aujourd'hui, on a toute une Bible et qui nous donne la vérité, mais on n'est pas capable à lui croire. Verse 24. You see then. Verset 24. 20. How that by works a man is justified and not by faith only. Do you see that? You are qualified by your works. Durch unsere Werke sind wir gerechtfertigt. Not by just hearing alone. I believe alone is not enough. Allein, das reicht nicht. C'est à travers nos actes que nous sommes qualifiés et pas seulement quand on écoute des histoires. If you believe, where is your action? Wenn wir glauben, wo ist dann unser Handeln? Parce que si tu crois, où sont tes actions? Où sont tes actes? Praise the Lord. Tu dois toujours poser un acte. Verset 25. Likewise also was not Rahab, the harlot, justified by works, when she had received the messengers and had sent them out another way. Verse 26. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He said, the men of Nineveh, they will judge you. Because what you hear upon all, you are still, you just still refuse to go. You just still refuse to believe Christ. He said in Luke 12, he said, the men of Nineveh, he said, they will judge you. They heard just a little word from Jonah. They repented. That you will hear and hear and hear and hear. Refuse to repent. He said, they are the one that will judge you. Und Jesus sagt sogar, dass das Volk von Ninive sogar über uns richten wird und uns verurteilen wird, weil sie haben nur ein bisschen von Jonah gehört und haben direkt Buße getan auf sein Wort. Aber wir hören so viele Botschaften und weigern uns dennoch, Buße zu tun und ihm vollkommen zu glauben, zu folgen. La Bible nous dit que les citoyens de Ninive, ils vont même nous juger, parce que quand Jonah était parti vers eux, ils se sont repentis directement. Mais nous, Jésus-Christ est venu vers nous et nous a dit, mais on ne se repent pas, on est toujours en train de douter. Ça signifie qu'eux, ils vont nous juger comme il est écrit. Matthieu 12. Il n'y a rien qui n'est pas plus grand que Jésus-Christ, même pas Jonas. Matthieu 12. I don't know the sign you want any longer. Ich weiß nicht, welches Zeichen du noch brauchst. Moi, je sais pas quel signe. I don't know the miracle you want any longer. Wunder du noch brauchst. Ou bien quel miracle. The greatest miracle is Christ. Das größte Wunder ist, dass Christus für dich gestorben ist. Parce que le plus grand miracle est le fait que Jésus-Christ est mort pour toi et toi tu es sauvé maintenant. Und dass du errettet bist. Qu'est-ce que tu veux encore de plus? Praise the Lord. Hallelujah. From verse 38, it said, "Then certain of the scribes and the Pharisees." Matthieu 12:38. Master, we will see a sign from thee. Just like even in this ministry, you preach and preach and preach, and people will not even, you don't even see the work. No action. Amen. I don't know the sign they are looking for. If Christ is not enough for you, there's nothing that can be enough for you. Und ich weiß nicht, nach welchem Zeichen wir hier suchen, auch in dieser Gemeinde, dass wenn Christus nicht genug ist für uns, dann wird nichts für uns reichen als Zeichen, um ihm zu folgen. Ici, quand Jésus-Christ était en train de prêcher, ils ont dit que oui, maître, on veut voir des miracles. C'est tout comme ici, dans cette église, l'Éternel parle, on prêche, mais les gens veulent toujours avoir un miracle. Je ne sais pas quel signe tu veux voir, mais tu dois... que tu dois croire à l'Éternel au lieu de vouloir avoir des signes. Verset 39. But he answered and said unto them, an evil and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly, in whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation. It's talking about you. Es geht um dich und mich. Those that refuse to listen to him. Die sich weigern, ihn zu gehorchen. And act. Danach zu handeln, nach seiner Wahrheit. Amen. Ici, quand on lit jusqu'à verset 41, au jour de jugement, les habitants de Nineveh s'élèveront et condamneront les gens de notre temps. Et de notre temps, ils parlent de toi et moi. Les personnes qui ont refusé d'obéir à Jésus-Christ et d'agir comme lui nous dit de faire. The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation and shall condemn it, because they repented at the preaching of Jonah. And behold, a greater than Jonah is here. Mm-hmm. So also the queen of Sheba. Praise the Lord. What will take you to believe Christ? Was wird es kosten, damit du Jesus Christus glaubst? Qu'est-ce qui va te coûter pour croire en Jésus-Christ? Amen. Take joy in obeying His voice. Lass zu, dass du mit Freuden seiner Stimme gehorchst. Tu dois vouloir obéir à sa voix avec la joie. In Matthew 5, from verse 10 to 12, he said, if you allow the Holy Spirit to help you to understand. To understand him, that is how you are blessed. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. He said, you rejoice. Amen. Let us go there, please. Matthew 5. Quickly Matthew 5. On va lire Matthew 5. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 5, from verse 10. Matthäus 5, Vers 10. Matthieu 5, verset 10. Amen. Amen. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake. But there is the kingdom of heaven. The persecution we are going through. Die Verfolgung, die wir durchmachen. They called us. Die wir, sie uns beleidigen. Les persécutions qu'on aura. Il pria, praise the Lord. Hallelujah. It says, blessed are you when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Why is it falsely? Because it's for Christ's sake. Wieso ist es lügnerisch? Weil es wegen Christus ist. Donc heureux ceux qui ont optimé pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. He said, rejoice. Freut euch. Il a dit and be exceeding glad. For great is your reward in heaven. For so persecuted they, the prophet which were before you. Praise the Lord. Hallelujah. And from verse 13, he said, don't give up. Gib nicht auf. From 13. That verse 13 is just telling you, don't give up. Look gib at nicht it. Auf. You are the salt of the earth. Amen. Amen. But if the salt have lost its savour, if you allow whatever they are doing to make you give up, I don't know if you are wenn getting du zulässt, ist das, was sie the tun, salt its savour. Dich zum Aufgeben bringt, dann verliert das Salz seinen Geschmack. En fait, il nous dit d'être heureux dans les persécutions, de se réjouir à chaque moment. Et il nous dit ici, par exemple, verset 15, il nous dit que, par exemple, vous êtes les sels de la terre. Si ce sel perd le saveur, avec quoi ça le rend. Ah, car le sel ne vaut rien, il est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Amen. Amen. Don't slow down, don't give up. Don't withdraw from me. Werd nicht langsamer, kehre nicht um. Don't become lukewarm. Werd nicht lauwarm. Because of condemnation, they are calling your name. Verset 13 nous dit qu'on ne doit pas vraiment abaisser les bras, baisser le bras, on doit vraiment toujours être courageux. Ça nous encourage ici, il dit que même les gens, quand ils sont en train de nous persécuter, de nous insulter, de ne pas nous comprendre pourquoi nous sommes radicaux comme ça, on ne doit pas baisser les bras. They will call you names, they will call you whatever. He said you are the salt of the earth. But if the salt shall lost its savour, where shall it be? It is henceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. You are the light of the world. Praise the Lord. Hallelujah. A city that is set on an hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick. And it giveth light unto all that are in the house. Mm-hmm. Let your light so shine. You allow your light to shine. Amen. Tu laisses tout dein Licht leuchtet. C'est toi qui autorises, qui laisses ta lumière être restée allumée devant l'être humain. For the mention. That they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. I quickly add this very place, then we close. Amen. Amen. Some few places and we close. Amen. Amen. Don't withdraw yourself from Christ, please. Entziehe dich nicht von Christus. Wegen dem, was die Menschen dir antun. Amen. Faut pas, what they are saying about you. Faut pas baisser les bras, faut pas repartir de l'éternel. Seulement parce que les gens sont en train d'être insultés ou bien... Dass es dich doch mehr zu Christus bringt, anstatt dass es dich von ihm wegnimmt. Ça doit t'encourager à partir, à continuer à partir vers l'éternel au lieu que ça puisse te... T'écarter. There's a place the Lord wants us to still go to. He said, he is your provider and not the tree. Er sagt, ich bin euer Versorger, nicht dieser Baum. Ja, l'éternel nous dit qu'il est notre fournisseur et pas... l'arbre. He is your provider, not the bird. Er ist unser Versorger und nicht die Vögel. Il a dit que c'est lui qui est notre fournisseur et pas les corbeaux ou bien un oiseau. And so therefore, Your focus should not be on things. Unser Fokus nicht auf Dingen sein, sondern auf ihm. Et c'est pour cela que la concentration, ça doit pas être dans des choses naturelles, mais ça doit être en lui. He said that Lord will start worshiping the tree. Viele werden anfangen, den Baum anzubeten. Il a dit, il y aura beaucoup de personnes qui vont commencer à adorer ihr Fokus ist dann auf einmal der Baum. Parce qu'ils vont commencer à être concentrés sur l'arbre. A lot will be worshiping the birds. Andere werden die Vögel anbeten. Les autres vont commencer à adorer les oiseaux. He is behind everything for you. Amen. Der Herr ist hinter allem, was für dich ist. L'Éternel est derrière tout ce qui toute chose qui est pour toi. And you know what is going on in your life. Und er weiß, was in deinem Leben more than you even know. Mehr als du es weißt. Et il sait qu'est-ce qui se passe dans ta vie, même plus que toi tu le sais. Amen. Some too many times we think he does not know what is going on. Manchmal denken wir, er weiß nicht, was los ist. Quelquefois on pense que l'Éternel ne sait pas qu'est-ce qui se fait dans ta vie. He knew when the brook was dry. Er wusste, wann der Bach ausgetrocknet war. Il savait que. I just still remember where we were. Quand cette eau-là va être séchée. Elijah did not know to tell him that the brook is dry. Elijah musste ihm nicht sagen, dass der Bach vertrocknet ist. Élie n'a pas pu lui dire que l'eau qui puisait. Elijah did not need to fast and pray. Elijah musste nicht fasten und beten. So that the brook will not dry. Damit der Bach eben nicht austrocknet. Élie n'a même pas dû de prier ou bien de jeûner pour empêcher le dessèchement de cette eau là. Elijah did not need to fast and pray for him to know and to beg God to provide for him. Er musste Gott nicht anbetteln, um für ihn zu sorgen und ihm zu versorgen. Il ne devrait pas supplier l'Éternel à pourvoir pour lui, à lui nourrir. Elijah knew that God knows all. Elijah wusste, dass Gott alles weiß. Aber wissen wir es heute? He knows everything about you. Élie n'a pas dû lui supplier parce que il sait que l'Éternel sait tout concernant tout ce qui lui concerne. Et toi, tout comme toi aujourd'hui, est-ce que tu penses que l'Éternel ne te connaît pas, ne connaît pas ton âge, praise the Lord, ta situation? I thank the Lord that is your homework. Please go and read it and see. Elijah did not go to the Lord and said, hey. The brook, the soil is getting dry though. What's the next? Never. He knows how to take care of his children. Vielleicht ist nicht zum Herrn gegangen, hat gesagt, der Bach, er vertrocknet. Wie geht's jetzt weiter? Soll ich mir was anderes suchen? Soll ich dieses Austrocknen aufhalten? Was soll ich machen? Er hatte einfach nur Vertrauen und Glauben, wusste das. Von Schritt zu Schritt versorgt der Herr. Élie n'était pas parti vers l'Éternel pour lui dire, écoute, mais t'as vu que l'eau va se sécher, maintenant comment on va faire? Il n'a même pas douté, il a rien fait parce qu'il savait que son père est là et il prend soin de lui et il connaît ça, il sait plus que lui, il connaît tout. You know, Elijah was not in panic, he was not in fear. Elijah hatte keine Panik oder Angst. Élie n'était pas paniqué, il n'avait même pas peur. No fear, no panic, no fear. Keine Panik, keine Angst, dass dieser Bach austrocknet. Full of, you know, voll von Sorgen und Ängsten. We are looking for help everywhere. Wir suchen nach Hilfe. Élie n'était pas paniqué, mais nous aujourd'hui, on est toujours paniqué. En vers 9. Vers 9. You know, he's behind. The Lord said he is behind everything. Amen. Der Herr sagt, er ist hinter allem. That's verse 9 of it. No, go there again. Go there. First King. Erste Könige. Ein Roi. He said, I am behind everything. That's what he said there. Verse 9. Arise, give thee to Seraphat. Which belonged to Zidon. 1 Roi 17, verset 9. 17, vers 9. And dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. I have It means I am behind everything. Ich bin hinter allem. Das signifie que je suis derrière tout pour toi. You know, before then, he said, I have commanded the raven to bring you food. And now I have come. He is the provider. Er ist der Versorger. C'est Jésus-Christ qui est le fournisseur. Il a commandé au rabbin de te. Rabot de te. Amen. He is behind everything for you. Er ist hinter allem für dich. Il est derrière tout pour toi. Notice something here. He said, a widow woman. And I have. A widow. He did not say thee. Not only, not thee, but a widow. Which means if thou refuse, there's somebody else. Und hier steht auch eine Witwe, nicht die Witwe. Das heißt, wenn diese Witwe sich geweigert hätte, hätte er sich jemand anderes gesucht. Because he's only looking for a body to use. Er sucht einfach noch einen Körper, den er nutzen kann. Are you getting it? Il n'a pas dit la femme veuve, il a dit une femme veuve. Donc c'était avec un article indéfini pour te dire qu'il a seulement besoin d'un corps, n'importe quel corps qu'il va utiliser. If the widow woman refuses to cooperate, for example, wenn die Witwe sich weigert, amen, zu kooperieren, Allah will not allow Elijah to die. Wird der Herr nicht he is Elijah's provider already. Dass Elijah stirbt, er ist schon Elijahs Versorger. Donc amen. Il voulait que Eli que la femme puisse coopérer avec avec lui. Si la femme ne coopérait pas, il allait aussi fournir autrement. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. You know the Lord can say do this and you say no. Der Herr kann sagen, tu das und du tust es nicht, aber er zwingt niemanden. L'Éternel peut te dire, fais ça et tu ne le fais pas. Oui, il ne force personne. He can command them and they say no. He needs the body to cooperate with him. He is not a dictator, he never forks. If not, he could have forced Lucifer to be in heaven. Weil will er zwingen, hätte er Lucifer gezwungen, weiter im Himmel zu bleiben. L'Éternel ne force pas, il laisse chacun son choix, parce que sinon il allait même forcer Lucifer à lui obéir. Praise the Lord. Okay, but I want to say something. Mm-hmm. Ja, das ist das gleiche gilt für die Gemeinde auch. Mm-hmm. Die Gemeinde ist abhängig davon, von das. Die Gemeinde ist nicht eine Denomination, mm-hmm, und auch keine Gebäude, mm-hmm, sondern die Gemeinde besteht aus Personen, die sich Christus untergeordnet haben. Mhm. Das heißt, wenn diese Gemeinde sich Christus nicht mehr unterordnet, mhm, dann wird sich Christus eine andere. Exactly. Exactly. He's just looking for a body. Die Katholiken, mhm, oder Religiöse, die wollen immer sagen, dass es eine Gemeinde gibt, eine wahre Gemeinde. Mhm. Oder die sagen immer die wahre Gemeinde, mhm, und bauen das immer auf Petrus. Mhm. Nämlich aus der katholischen Kirche. Also, mhm, also diese Kirche von der katholischen Kirche ist halt basiert auf Petrus. Mhm. Und deswegen, mhm, basieren die immer alles auf die Gemeinde Gottes. Die, mhm, Gemeinde Gottes. Aber es geht nicht um die Gemeinde Gottes, sondern die Gemeinde, also es geht nicht um die Denomination, mhm, und das Gebäude oder die Congregation. Ja, ne? Ja, sondern, ja, es geht um die Menschen, die sich dem Heiligen Geist unterordnen. Ja, exactly. Und wenn die sich nicht unterordnen, dann sucht er sich einen anderen. Exactly. Leute. You know, it's like he said, we read where he's talking about the salt. He said, we are the salt of the world. But if the salt loses savour, he said, the salt is now useless. Mm. So also, so many churches are useless. Mm. Because, you know, the Christ is no longer there. If we allow here to be diluted and diluted, if we start it, if you start dilution, we are going to remain there, and before you know it, everything is changed. Und genauso ist es auch mit dem Salz, dass wenn das Salz fade geworden ist, ist es unnütz und es kann nicht mehr gebraucht werden, es wird rausgeschmissen. Und genauso sind auch viele Gemeinden unnütz, weil dieses Salz sozusagen fade geworden ist und es halt nicht mehr seinen Zweck erfüllt. Und deswegen sucht sich dann der Herr, der Heilige Geist, einen anderen Körper, einen anderen Körper, durch den er arbeiten kann. La Bible dit que le sel a un goût. Si ce sel-là n'a pas un goût, on va jeter ce sel-là. Et c'est tout comme dans des églises aujourd'hui, des églises qui n'ont pas la vérité, qui ne veulent pas être en dessous de l'Éternel, qui ne veulent pas coopérer avec l'Éternel, pour ne pas obéir le Saint-Esprit. Eux, ils sont pas aussi, on ne peut pas aussi les utiliser. Ils sont comme du sel qui n'a pas de sens, qui n'a pas, qui n'a pas de goût, qui, de saveur. Merci. Genau, er wird, warte kurz, Mama. Er wird sich eine andere Gemeinde suchen. Aber es ist immer noch dieselbe Gemeinde, es ist immer noch seine Gemeinde. Ja. Das heißt nicht, dass weil er jetzt, weil die Gemeinde jetzt einen anderen Namen hat, dass es nicht immer noch, dass es dann eine andere Gemeinde ist. Verstehst du, was ich meine? Ja. Weil ich habe eine Unterhaltung im Internet habe ich. Say that we will discuss that later. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Whatever we ask, let me see it. Because he always wakes me at night. So I'm writing about it. Sometimes I have to learn before I can. Praise the Lord. Hallelujah. Whatever we ask, we. He wants us to have. And he directs, he is the one behind whatever we have. Let me put it that way. First. Er ist derjenige, der hinter dem ist, was wir haben wollen. L'Éternel est toujours derrière tout ce que nous on veut avoir. He commands everything in our life. Er, if you belong to him. Er befiehlt alles in unserem Leben, wenn wir zu ihm gehören. C'est lui qui va commander tout dans notre vie si on appartient à lui. You can see how he was commanding things towards Elijah here. Mm-hmm. He so said, I've commanded the raven to feed you. I've commanded this. I've done it without even informing. He did not come first to inform Elijah. I'm going to command something. Mm-hmm. He did it before coming to Elijah. Yeah. He's in charge of your life. Mm-hmm. Und das genauso wie bei Elijah, ne, das dass Elijah nicht Zeichen warnen oder Alarm machen musste oder mit der Herr weiterredet oder weiterleitet oder weiterführt, sondern der Herr wusste, wann er zu sprechen hat, wann er zu führen hat, wann er zu leiten hat. Mm. Tout comme Elie n'avait pas dû supplier à l'Éternel de lui nourrir. C'est comme ça, tout comme aujourd'hui, on n'a même pas besoin de lui supplier parce que lui, il sait, il est au contrôle, il sait quand on a besoin de quoi. Remember, Elijah was a prophet. Elijah war ein Prophet. Rappelle-toi que Elie était un prophète. And you know, Christ said we are greater than the prophets. Et Christus sagt, wir sind größer als die Propheten. Et Jésus-Christ dit que nous sommes plus grands que les prophètes. And the prophets, they were servants. Die Propheten waren Knechte und nicht Söhne. Et les prophètes étaient des fils, des servants, pas des fils. Amen. Amen. You know, here, everything here was about his servant. Alles hier about war his über sein. Knecht und nicht über seinen Sohn. Et tout ici s'agissait de ses servants et pas de son fils. And if all what is here can be for his servant, how much more for his son? Wenn das alles hier über seine Knechte geht, wie viel mehr? Was sagt er dann über seine Söhne? Et s'il est capable de faire beaucoup de choses comme ça pour un servant, qu'est-ce qu'il va pas faire pour son fils? You know, if you go to the doctor, if you go to the hospital, for the doctor to even touch your body. He command. Wenn du zum Arzt gehst und der Arzt deinen Körper untersucht, dass dieser Mensch das überhaupt tun kann, ne, der dich untersuchen kann, das kommt vom Herrn. Es ist der Herr, der durch diesen Menschen an dir arbeitet. Durch dieser Mensch allein. Du dois savoir que même si tu pars dans un chez un docteur et que le docteur veut t'opérer ou bien même seulement te toucher, c'est l'Éternel qui commande à cette personne de te toucher. You are his property. Wir sind sein Besitz. Parce que nous, on appartient à l'Éternel. Are you getting it? Mm-hmm. Nous sommes ses biens. If Satan can go through serpent, he can go through doctor. Wenn der Satan durch eine Schlange gehen kann, kann der Herr auch durch einen Arzt gehen, um für uns da zu sein. Si l'Éternel peut marcher ou travailler à travers un serpent, il est aussi. Si le diable, oh merci. Si le diable est capable de travailler à travers un serpent, là Dieu est même capable de travailler à travers un docteur. If in any operation for his daughter or his sons, he is the commander. Amen. And not that man. In jeder Operation, er ist derjenige, der befiehlt und der der macht und nicht dieser Arzt selbst. Et dans chaque opération ou bien oui, chaque opération de sa fille ou bien de son fils, c'est lui-même qui commande. C'est pas la personne, c'est pas le docteur qui commande, qui veut faire lui-même. Just like he commanded that woman to be dead. genauso wie er dieser Witwe geboten hat, dort zu sein und Elijah Essen zu geben. Tout comme l'Éternel a commandé à la veuve d'être là et de nourrir Élie. You know, I was so sick that during the operation and when everything was over and I was now becoming, my body coming back, recovering, I went for checkup. And I told the doctor, now the doctor said, are you really okay? I said, yes. He said, because that operation he did for me, he was not the one that did it. He said, because he was confused when he saw my body. He said he could do nothing. He said he was just trying one, he was just there doing something, but he was not the one that did it. Mm. So that is why he is surprised that I'm here. Amen. That man, that old man, is an old man. He said it to me. Und als ich damals sehr krank war und beim Krankenhaus lag, mehrere Tage, nachdem ich halt entlassen wurde und wieder zurückgekommen bin wegen der Nachuntersuchung, hat der Arzt mir gesagt, ob es mir wirklich gut geht. Und ich habe gesagt, ja, mir geht es gut. Ich danke dem Herrn, ich bin geheilt. Und hat gesagt, dass, ja, weil er ist ehrlich, er hat einfach nur irgendwie versucht, weil er war selber verwirrt, als er die Sachlage in meinem Körper gesehen hat. Er wusste nicht, wo er anfangen soll, wo er aufhören soll. Er hat einfach nur gemacht. Und es war nicht er, der gemacht hat, sondern er kann es selber nicht erklären. Aber ich wusste, wer durch ihn gearbeitet hat. Ce que je vous dis, ça m'est arrivé. J'étais partie chez les docteurs parce qu'on m'avait opéré. Et quand je suis partie pour qu'il puisse encore dans une visite, il me dit, mais est-ce que tu vas vraiment bien? Et moi, j'ai dit au docteur, oui, je veux bien. Pourquoi tu demandes? Et le docteur a dit, parce que moi, quand j'ai opéré, c'est pas moi qui a opéré, c'est lui-même qui a dit ça. A dit parce que j'ai vu, c'était si beaucoup, je savais même pas où commencer, où finir. Et j'ai seulement opéré, c'était pas moi qui l'a fait, je sais même pas comment. Maintenant, tu me dis qu'après une semaine, que tu as été guérie seulement comme ça. Parce que moi-même, j'ai pas compris ce que moi-même j'ai fait. Et ça nous montre que c'était l'Éternel qui lui a opéré et pas le docteur lui-même. This man was the chief doctor that operated me. Dieser ältere Herr war der Chefarzt, der mich operiert hat. Et la personne qui m'a opéré, c'était le chef de le département qui m'a opéré. He said he used one word, said he was just basking. Basking? Basking. He said he was just basking, but he did not even know what he was doing. Because he said that situation, he said he had never seen such thing in his life. He said he's very old in this field. He said, but this was different. He said, that is why he is still asking me, are you here? Ja. Und er hat gesagt, dass er eigentlich einfach nur an mir herumgebastelt hat, sozusagen. Er hat dieses Wort basteln benutzt und dass er, weil er eigentlich sehr viel Erfahrung hat in diesem Feld, ne? Aber dennoch hat er noch nie sowas gesehen, was er halt vor sich hatte, als es halt um meine Situation ging. Donc, le docteur, lui, en fait, il a dit à maman que, malgré il a beaucoup des expériences dans ce qu'il fait, mais dans les opérations de maman, il a juste bricolé. C'est lui-même qui a dit ce mot-là, ce terme-là. J'ai dit que j'ai juste bricolé, donc je ne savais même pas ce que je faisais. J'ai justement essayé, malgré il avait beaucoup d'expérience. Praise the Lord. Yeah. He is the doer. Est le macher. C'est lui la personne qui fait. He commanded that woman or that man to be there for you. Er hat dieser Frau, diesem Mann geboten, für dich da zu sein. C'est l'Éternel qui a commandé à cet homme ou bien à cette dame pour être là pour toi. No natural man can handle your body. Weil kein natürlicher Mensch kann mit deinem Körper, mit deinem Besitz umgehen. Il n'y a pas un autre humain qui peut un être naturel qui s'y connaît avec ton corps. No one can touch your body without him. Weil niemand kann deinen Körper berühren ohne ihn. Er braucht Diese Menschen brauchen erstmal eine Erlaubnis vom Herrn. Personne n'est capable de toucher ton corps sans la permission de l'Éternel. He is our healer. Er ist unser Heiler. C'est lui notre santé, notre guérison. Genauso wie er unser Versorger ist. Il est notre guérison, tout comme il est notre fournisseur. Er ist unser Helfer. Il nous aide. Our comforter. Unser Tröster. Il est notre conforteur. Our counselor. Unser Ratgeber. Il est notre conseiller. Our judo, advocate, that's a jury, juror. Unser Anwalt. Il est notre... Lawyer. Notre avocat. To say, I wanted to speak Dutch. juror. He's our juror. He's our advocate. Il est notre avocat, il est notre juriste. Praise the Lord. Yeah. Amen. Intercessor. Strengthener. Stand by. He's everything. Amen. Il est notre intercesseur, il est notre tout en fait. All in one. Amen. Alles in einem. Il est notre tout en une seule personne. Once you have him, you have all. Amen. Wenn wir ihn haben, haben wir alles. Et c'est pour cela qu'on dit que quand on a Jésus-Christ, on a tout. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. We stop here on Wednesday. We continue with understanding the kingdom of our Father. Am Mittwoch geht es weiter mit unser, das Königreich unseres Vaters verstehen. Mercredi, on va continuer avec notre message. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So please.